couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 31. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, faites-le à notre adresse email suivante, dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Bruns à l'adresse suivante eelb.su. Et nous avons procédé à l'enregistrement manuel des adresses de personnes qui nous ont écrit pour participer au forum. Donc nous les invitons à vérifier que leur compte est activé. Si ce n'est pas le cas, veuillez nous renvoyer un petit email afin que ce soit corrigé. Si vous souhaitez être inscrit et si votre inscription ne se déroule pas bien, eh bien, envoyez-nous aussi un message. Donc, sachez qu'il y a un filtre anti-spam sur ce forum et que certains types d'adresses ne sont pas acceptés. Et DNMX, enfin, si vous utilisez une adresse email dnmx.org, ça ne passera pas, ça sera considéré comme du spam. Donc effectivement, il faudra à ce moment-là nous écrire pour un enregistrement manuel. Sinon, d'autres types d'emails fonctionnent bien. Mais par contre, tout ce qui est email temporaire, etc., ça ne fonctionnera pas. Donc ce n'est pas la peine d'essayer. Les réglages ne le permettent pas. Voilà. Alors sur le forum, vous pouvez bien évidemment commenter les émissions, commenter l'actualité d'une manière générale et les articles qui paraissent sur le site, vous-même proposer vos propres articles, etc. Nous avons un concours qui est justement en cours. Nous avons un concours en cours qui consiste à désigner le juif le plus perfide de l'année 2022. Alors il y a des très sérieux concurrents. N'hésitez pas à vous reporter au fil de discussion dédié sur le forum, puisque nous avons besoin de votre avis, de votre opinion. Nous voulons savoir ce que vous pensez, quel est, d'après vous, le juif le plus toxique, le plus néfaste de 2022, pardonnez-moi. Eh bien, vous avez la parole, participez, faites-nous savoir, car il y aura une élection, comment dirais-je, en fin d'année, hein, pour la Noël, hein, bien sûr. Donc, nous vous tiendrons informés. D'ici là, rejoignez le forum. Et bien évidemment, informatique, crypto et autres. Voilà. Alors le nom de domaine qui saute régulièrement, la censure nous frappe constamment. On est en point live, dempart.live, dempart.live, mais si ce n'est pas le cas, enfin ce nom de domaine va sauter, donc ça en sera un autre. Donc pour éviter ces désagréments, le fait de ne pas pouvoir se connecter comme vous le souhaitez, nous vous conseillons dans l'absolu et d'utiliser notre Onion Tor, donc notre adresse Tor, si vous préférez. Pour y accéder très simplement, adoptez le navigateur Brave, donc Brave, B-R-A-V-E. Il est gratuit, il est très bien fait. Vous pouvez le trouver en ligne très rapidement. Ça, c'est un navigateur qui est très vraiment facile d'adoption, il n'y a pas de difficulté particulière. Sa qualité, c'est que en deux clics, vous pouvez ouvrir une fenêtre sous Tor, sous le réseau Tor. Donc, en fait, quand vous adoptez le navigateur Brave, donc qui fonctionne exactement comme Google ou comme on a comme Google Chrome ou autre, hein, c'est la même chose. Eh bien, deux clics à droite de l'écran et vous ouvrez votre fenêtre Tor et vous copiez-collez l'adresse du site, vous mettez en favori et vous n'avez même plus à vous poser de questions. Et là, le site est constamment disponible, vous n'avez plus à chercher le nom de domaine du moment, etc. C'est fini. Alors évidemment, il y a aussi l'option du VPN, très facile d'adoption, qui vous permet de contourner complètement la censure et d'accéder constamment au site au nom de domaine sans avoir à affronter le problème du filtrage en France par les fournisseurs d'accès à Internet, puisque comme vous le savez, le gouvernement français censure ce site très activement en demandant aux fournisseurs d'accès, bon, bah, typiquement Orange, peu importe le prestataire que vous avez choisi, donc il y a un filtrage et donc le site, bah, vous ne pouvez pas y accéder en clair si vous n'avez pas de VPN ou si vous passez pas par Tor. Donc voilà, donc, il faut s'y habituer. Je pense que c'est un sain réflexe. Pourquoi ? Parce que très probablement, la censure va beaucoup se renforcer dans les années qui viennent, beaucoup plus nettement qu'actuellement. Et en toute probabilité, la situation géopolitique servira de prétexte à un filtrage très resserré de l'Internet. Voilà. Bon, pas besoin de chercher midi à 14h. On va vous dire que voilà, la désinformation russe est devenue beaucoup trop importante dans l'espace de l'Union européenne, qu'il faut prendre des contre-mesures, et on va mettre en place, j'allais dire, un firewall de type chinois. Alors bon, ça ne se fait pas facilement, c'est lourd à mettre en place, il faut de la coordination. Alors dans un système comme l'Union européenne, c'est pas forcément évident, mais c'est quand même vers ça qu'on va. Alors du coup, n'attendez pas que ça se produise pour avoir les bons réflexes, pour continuer à accéder au contenu auquel vous souhaitez accéder, parce que sinon, malheureusement, la censure fera son travail et vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas consulter différents sites, parce que je vous le dis, je pense que ça va vraiment se renforcer dans les années qui viennent. Là. Peut-être même avant, hein, peut-être dans les mois qui viennent même d'ailleurs. Alors, ces rappels ont été faits. Je vais procéder à la présentation des membres de la semaine. Malheureusement, Sobieski voulait être avec nous, il a eu un problème technique, donc il n'est pas là, c'est dommage. On espère qu'il sera là la semaine prochaine. Mais on a quand même des participants de qualité, hein. On va commencer tout de suite avec Nogaret. Salut Nogaret, merci d'être avec nous cette semaine encore une fois. Mes salutations Gandalf et salutations aux autres membres et aux auditeurs. Oui, bien sûr. Hydromel est aussi avec nous cette semaine. Salut Hydromel en ce mois de septembre. Ça y est, c'est l'automne. Ça y est. Salut Gandalf, ben exact, c'est l'automne. En espérant qu'il soit moins tonitruant que cet été. Mais bonjour à tous et ravi d'être à nouveau parmi vous pour cette nouvelle émission. On te plaint pas trop, je pense que si tu es sage, tu auras le droit à un Covid. Tu auras le droit à un Covid avec un masque, etc. Ah. La version Omicron +++ 3.0. Ouais, A2BXYZ, LGBTQI+, enfin tu connais tout ça quoi. Et enfin est avec nous cette semaine Vincent qui nous fait le plaisir aussi bien sûr d'être avec nous. Salut Vincent. Salut Gandalf et bonjour aux participants et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Et ravi d'être avec vous cette semaine encore une fois. Toujours en attente du fonctionnement de ta librairie vente en ligne ? Alors oui, on a eu des bonnes nouvelles d'Amérique puisqu'ils nous ont demandé encore quelques petites choses à mettre en place. Ça veut dire qu'il n'y a pas de refus du dossier et nous espérons, alors forcément au bout d'un moment ça paraît risible de le dire, mais nous espérons une ouverture dans le courant du mois d'octobre parce que là c'est la finalisation. Et le livre sur Oradour est donc prêt, mis en page, tout est là. Oui, et puis tu avais dit aussi que je crois que tu ferais une formule DVD pour ta série, bon, qui est en cours, hein, mais sur le Troisième Reich, enfin, focalisé sur la réhabilitation du Troisième Reich, mais je crois que tu avais dit que tu ferais quelque chose comme ça. Alors, c'est exact, on fera un coffret DVD avec aussi en même temps un livre, avec les principales illustrations et les principales références, un livre qui fera environ, je crois, 300 pages sur... la réhabilitation, et là, je vais le prochain épisode sera justement sur pourquoi Hitler a envahi l'URSS. Je sais que c'est un sujet qui revient souvent et qui a beaucoup d'incompréhension, même dans nos milieux. Oui, absolument, oui, c'est vrai, c'est très intéressant ça. Alors, comme j'ai souvent dit, il y a un décalage entre la publication, parce qu'on publie à un rythme d'un épisode par semaine sur démocratie participative, mais Vincent va beaucoup plus vite. Et a raison, hein. Donc, si vous souhaitez vraiment consulter ce qu'il fait, bon, bah, y a deux solutions. Son site internet, blog-sc.com, donc blogue-sc.com. Bon, là, il y a tout son contenu, donc il y a toutes les dernières vidéos, vous trouvez ça tout de suite. Ou alors sur son .vpn, compte... hein, parce qu'il est interdit. Ah oui, bien sûr, oui, parce que tu souffres du même problème que démocratie participative. Ton site est interdit en France. Donc oui, VPN, effectivement. Ou alors te retrouver sur gab.com, puisque tu as un compte. Donc vous tapez sur Google gab.com Vincent Renoir, et vous allez tomber sur son compte. Et là, Vincent publie régulièrement sa production, et il a une chaîne... TV, enfin c'est Gab TV, donc en fait c'est une chaîne de vidéos qui ressemble un peu à une chaîne YouTube, hein, mais dans ce réseau social où se trouve tout son contenu, c'est très bien fait, et moi je vous invite à vous y reporter, parce que se trouvent aussi toutes ces vidéos, c'est très bien présenté, et là vous pouvez le suivre aussi. Donc voilà, donc d'un biais ou d'un autre, vous pouvez accéder à son contenu, le soutenir aussi, bien sûr, évidemment, si vous le souhaitez, si vous en avez les moyens. Et à ce titre-là, bah, je vais maintenant passer à la partie, avant d'entamer l'émission, partie don. Vous savez que démocratie participative, le site, le forum, les émissions, enfin tout ça ne peut fonctionner que grâce à nos donateurs. C'est un format maintenant qui est globalement adopté d'une manière générale, hein, je veux dire... Tous les médias indépendants se financent uniquement avec leurs auditeurs, lecteurs. Hein. C'est la seule façon de procéder aujourd'hui. Nous affrontons les aléas de la censure. Donc, comme vous le savez aussi, pas de moyen de paiement classique par carte bancaire, ni par virement bancaire. Ou quoi. Tout ça nous est interdit. Donc, nous passons par la crypto-monnaie Monero, qui garantit l'anonymat des dons. Et ce sont ces dons qui nous permettent de continuer. Donc, je remercie bien évidemment... tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, par ce moyen, qui sont anonymes, qui ne se manifestent pas, qui ne nous envoient pas de messages, qui ne souhaitent pas être cités en émission. Ceci étant dit, si vous nous faites un don et que vous souhaitez être remercié dans l'émission, vous pouvez le faire. Vous nous envoyez un courriel à l'adresse email que j'ai donnée et nous vous remercierons en ligne. Vous pouvez faire passer un message à l'occasion, c'est normal, bien sûr. Et nous le ferons avec grand plaisir. Alors, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Et du coup, on a des dons, enfin des donateurs qui nous ont envoyé des courriels. Alors, je vais commencer avec Tortue. Alors, Tortue, je confirmerai prochainement le don que tu as tenu à nous envoyer. Donc, j'enverrai un petit message en temps et en heure. Donc, en tout cas, merci à toi pour ton soutien. Bien entendu. Donc ça, c'est pour le premier don. Don numéro 2. Bonjour à toute l'équipe de DP. Merci pour votre travail d'information et de décryptage. Je fréquente le site depuis les débuts et le boulot que vous faites est unique et courageux. Bravo à vous. Je suis les dernières émissions avec autant d'assiduité grâce notamment à la participation de Vincent, le recul qu'il a sur notre mouvement et sa connaissance historique apporte une grande plus-value au débat. J'ose le dire sans détour, je ne suis pas le premier... car je sais qu'il n'est pas du genre à prendre la grosse tête. Vous l'avez bien dit à plusieurs reprises, la musique joue, avec le sport, un rôle primordial dans la négrification de la jeunesse d'Europe, et en France plus qu'ailleurs encore. Comme un de vos articles décrivait bien, le rap, et plus généralement la musique nègre, à haute dose est une arme massive de liquéfaction des cerveaux blancs, utilisée sans temps mort par nos ennemis. Leur credo... irradier du tam-tam, de la savane, la terre entière, tout le temps. Faire des courses dans un magasin quelconque est un enfer pour mes oreilles. Ah oui, ça c'est absolument juste. Ah, c'est effrayant, la musique d'ambiance dans les supermarchés français, c'est à se taper la tête contre les murs. J'ose même pas y passer, mais on va en reparler de toute façon. Alors, comme tout hobby 100% en blanc initialement, la musique métal est un environnement qui attire aujourd'hui, encore plus que dans le passé, nombre de marginaux et autres communistes, mais il ne faut pas se laisser berner. Cela reste une musique de blanc, de blancos, de white, avec des groupes fantastiques qui mériteraient d'être plus connus. Selon les sous-genres, c'est une musique qui s'exprime de plusieurs manières. Souvent guerrière, où l'action héroïque est mise en avant, et glorifiée, ou bien plus lente et contemplative. Écouter ce type de musique, de nos jours, est devenu un acte de paria, tant on pousse les jeunes blancs à écouter de la merde et à s'abreuver de la soupe dégueulasse servie par les radios ou diffusée dans la majorité des festivals. C'est pourquoi je conseillerais à tous les jeunes européens qui vous écoutent de s'essayer à des classiques du genre. Alors oui, ça c'est très classique, hein. Donc c'est Metallica, Motorhead, ou bien encore Iron Maiden. Donc c'est plutôt heavy metal là, je pense, pour n'en citer que trois connus. Donc ça, c'est plutôt les années 80. Motorhead, c'est carrément les années 70. Mais c'est très bon, hein, Motorhead, moi, y en a que j'aime beaucoup, hein, des titres. Si jamais ils accrochaient, c'est la porte ouverte vers un imaginaire arien où les hommes se doivent d'être des hommes et les femmes de vraies femmes, c'est-à-dire, pour les auditeurs nés après 2005, 100 bits, s'amuse notre auditeur. Je vous conseille, d'ailleurs, pour une future interlude musicale, ce titre... Donc c'est en anglais, hein, anglais-allemand, non, c'est en allemand. Ouais. Absurd, des Votans Schwarzer Haufen, voilà. Je viens d'envoyer un don de 22 Monero, l'avez-vous bien reçu? Bah là on va confirmer, chers camarades. J'espère que c'est le cas, je débute dans les crypto-monnaies, je compte donner aussi plus souvent si ce versement a bien été reçu. En vous envoyant cette somme, j'ai une pensée particulière pour cet authentique philanthrope, ami de la liberté d'expression, ami de la libre circulation des biens, descendant de négrier, je parle évidemment de Tristoun, francemindes.com. Les quelques sommes d'argent que vous arrivez à percevoir par des donateurs souvent modestes comme moi doivent enrager ce misérable type et sa clique d'escrocs. Cela me réjouit. Pour une écologie totale et la conservation des races d'Europe, vive le déparasitage et la remigration, Sikael. Et c'est signé Loborus. Alors, merci Loborus, ton courrier m'a personnellement beaucoup amusé, diverti. Il y a plusieurs choses là-dedans. Bon, on va commencer par la fin, si vous voulez. Bon, parce que ça, c'est la partie un peu plus technique. Alors oui, c'est certain que les... Comment dire, est-ce que la police politique juive n'aime pas du tout le fait qu'il y ait un financement autonome qu'on ne puisse pas stopper, puisque la grande stratégie des juifs, je l'ai dit ça, et c'est vrai en géopolitique, enfin c'est vrai au niveau macro, comme au niveau micro. C'est-à-dire que c'est vrai pour les États, bon bah l'exemple récent c'est la Russie, comme pour les petits militants politiques que les juifs détestent, et qui vivent dans les pays qu'ils contrôlent. C'est l'arme économique du contrôle de la circulation de la monnaie. Ah ça c'est extraordinaire, mais c'est authentique. Donc ils asphyxient financièrement leurs adversaires. Hein, ça, c'est la grande stratégie des juifs. C'est la stratégie du boa hébraïque. Hein, voilà, on vous étouffe. Alors, Monero est une arme qui permet de contourner ce problème. Alors, évidemment, on y a recours dans l'émission, pour le site, pour financer le forum aussi, parce que le forum n'est pas gratuit, en fait. Le forum, je ne sais pas si les gens le savent, mais il n'est pas gratuit. Mais c'est une arme qui nous permet de résister. Et sans ça, on serait dans les plus grandes difficultés. Ce serait même impossible, probablement, de poursuivre. Donc c'est vous dire à quel point c'est important. Et beaucoup d'autres personnes qui ne peuvent pas éviter cette censure, ben malheureusement, elles ont deux choix. Soit elles arrêtent de faire ce qu'elles font, soit elles mettent de l'eau dans leur vin, et du coup, ils servent de l'eau tiède, et ils disent plus grand-chose, parce qu'ils ont peur d'être censurés. C'est ça, hein, ça joue beaucoup, hein, ça a un effet quand même. Voilà. Donc ça c'est pour la partie-là, et c'est très juste. Donc effectivement, c'est une façon de soutenir. Et de faire la différence, effectivement. Alors maintenant, je remonte sur le contenu plus culturel, donc tout ce qui est musique, bon, on en a souvent parlé, hein, de toute façon, dans l'émission, sur le site aussi. Alors, notre auditeur recommande, en fait, le métal. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans le métal. Hein, donc, il parlait de Metallica, Motorhead, Iron Maiden, bon, c'est les années 70-80, donc ça, c'est vraiment des classiques. Pour ceux qui aimeraient ce genre-là, ou le heavy metal, d'une manière générale. Mais il y a tellement de genres, de sous-genres et ensuite de groupes que il y en a un petit peu pour tous les goûts. Vous avez du post-rock si vous aimez vraiment les trucs plutôt mélodique, instrumental. Voilà. Bon. Si vous aimez du gros bourrin, il y a les gens, ils aiment bien le black metal. Il y a des gens, je connais des gens, hein, qui sont très calmes, très sages. Une personnalité très tempérée qui écoute du métal et du black metal et c'est bon, mais il en faut pour tous les goûts, donc voilà. Alors là, bon, comme bon, bah, chacun ses goûts, c'est à chacun de s'ouvrir, mais c'est sûr que d'ailleurs j'ai vu, ça m'a un petit peu frappé, j'ai vu que le, alors maintenant c'est l'Arcom, ils ont remplacé le CSA par l'Arcom, bon, c'est la même chose, hein, c'est bon. Eux-mêmes s'inquiètent du fait que le rap a tout dévoré, en fait. C'est pas pour, remettre de la musique blanche en circulation, c'est pas ça, mais il y a un écosystème économique, et vous avez des musiques de niche qui sont en train d'être détruites aujourd'hui, au moment où je parle, qui existaient il y a encore quelques années, et qui ne peuvent pratiquement plus exister sans les subsides de l'État, parce que le grand public s'est complètement détourné de ces niches. D'accord ? Donc je ne dis pas que ces niches, c'est de la musique de blanc, hein, ça peut, au contraire, il peut y avoir des rythmes plus ou moins africains, voilà. Mais comme ça n'est pas du rap, ça n'est pas du tout plébiscité. Alors on peut tout imaginer, hein, comme musique de niche ou autre genre, mais ça a pris une telle proportion, notamment dans ce qui est consommé en streaming, que même l'Arcom, bon, qui est quand même pas l'avant-garde de l'identitarisme blanc, même eux se disent il y a quand même un problème, parce que c'est grosso modo, quand vous mettez le hip-hop, le R&B, donc ça c'est plutôt pour les femmes, enfin les femmes, oui, les filles quoi, et les trucs un peu la sud-américain, mais c'est africain aussi quoi, ouais. Quand vous faites ça, c'est 95% de la consommation de musique en ligne, vous imaginez? 95%. Vous enlevez ça, le truc latino, sud-américain, machin, vous enlevez le R&B, vous enlevez le rap, il n'y a pas de streaming en France. Il n'y a rien. C'est sidérant, mais c'est vrai. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus, peut-être? Oui, dans les salles de sport, c'est particulièrement cauchemardesque. Quand du matin au soir, il y a de la musique de rap américain, c'est assez cauchemardesque. Et j'ai aussi un exemple dans mon entourage d'un ami, d'une connaissance d'un ami qui a été à un concert de Maître Gims. C'était particulièrement affligeant de l'entendre. Il était hypnotisé par la voix du chanteur. C'était super. Alors, ça touche même les blancs. C'est-à-dire, ah non, mais ça touche non seulement, mais... il... ah, mais le voilà, public... ça touche tout le monde. Ah non, mais le public de Gims, c'est un public de blancs. Hein. Oui. Donc, particulièrement affligeant, voilà. Ah oui, non, c'est un public de blancs. Hein. Vous pouvez regarder ça en ligne, là, les concerts, vous regardez qui est en public, et beaucoup de blanches. Beaucoup de blanches, attention. Oui, des adolescents, des adolescentes, oui. Oui, enfin, c'est un public très jeune, hein, d'une manière générale, hein, mais oui, on est, il n'y a pas beaucoup de trentenaires, quarantenaires là-dedans. Mais vous pouvez faire un test, hein. Vous faites rap français dans YouTube et vous mettez votre recherche sur une semaine, d'accord? Donc vous allez voir les derniers trucs qui sont sortis juste sur YouTube, donc c'est même pas le streaming. Donc il y a des gens que vous ne connaissez pas, c'est des rappeurs, bon, ils sont tous afro-maghrébins la plupart du temps. Il y a quelques blancs qui surnagent, mais c'est rarissime. Et vous allez voir ce qui sort et vous allez être frappé de voir qu'en deux jours, trois jours, il y a des gars qui font des millions de vues, et ça n'est pas, c'est-à-dire que c'est très regardé sur YouTube, mais pour autant ils n'ont pas une grande surface médiatique, ils ne sont pas très présents dans les médias, et pourtant ils sont très suivis, et donc vous allez découvrir des gens que vous ne connaissez pas. Je ne parle même pas de PNL et tout ça, hein. Je vous parle de gens que vous ne connaissez pas. Alors ce qui est très drôle, enfin moi ça m'amuse, c'est que c'est désespérément la même chose tout le temps. Parce que le rap en France, ça a commencé dans les années 80 à peu près, 1980, les années 1980. Et pour ceux qui connaissent ce genre musical, donc les thématiques, etc., ce qui est très, vraiment très remarquable, c'est à quel point le contenu ne varie pas. Le contenu ne varie pas. Donc, je parle même, vraiment, hein, si vous pouvez lire les textes, enfin, c'est affligeant. mais les thèmes abordés sont tout le temps les mêmes. Enfin, voilà. Alors, et c'est drôle parce que c'est encore plus marqué avec les rappeurs noirs. Alors, les rappeurs noirs, c'est très simple, c'est du bourrin, quoi. Hein. Donc, il y a des nanas, généralement africaines, d'ailleurs pas tout le temps, avec des grosses fesses qui gigotent. Le type a 4 montres en or sur les avant-bras, il monte ses bagnoles, ok. Il mitonne un peu avec un sac de poudre blanche devant lui de 4 kilos. Il est dans une villa, ils sont autour de la piscine et il dit « Ouais, ouais, bébé, ouais, ouais, bébé ». Voilà, c'est tout. Je vous ai résumé le rap français, là, 30 ans de rap français pratiquement pour tout ce qui est la partie noire. Pratiquement, hein, pratiquement. Ça ne change jamais. Il n'y a jamais d'innovation, il n'y a rien, quoi. Et c'est assez extraordinaire, ce surplace dans les thématiques et même la façon de les aborder, voilà. Et pourtant, bon, bah, les gens, ils consomment. Et c'est ça qui me... J'en finis, hein. Mais c'est ça qui m'étonne, c'est que le public blanc consomme ça de plus en plus, c'est-à-dire ça devient de plus en plus univoque. Il n'y a plus d'autres genres pratiquement consommés aujourd'hui, et je dis bien par les blancs comme par les autres, par les halogènes. Et pourtant, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté. C'est ça qui est marquant. C'est toujours pareil. Donc, on devrait se dire, il devrait y avoir une prime à la créativité, à, je ne sais pas, même dans ces genres. Pas du tout. Non, non. Donc, voilà. Donc, c'est, plus ça va, plus c'est répétitif. Et paradoxalement, plus le temps passe, plus de gens écoutent ça. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une explication, mais moi, je n'en ai pas vraiment à ce stade. Et c'est un phénomène français. Hein. C'est l'écrasante domination de la musique, je veux dire, afro-négroïde. Hein, donc là, on est sur du rap. Hein, bon, voilà. C'est franco-français. Hein. C'est franco-français. Même aux États-Unis, vous avez des alternatives très écoutées, et notamment dans la country d'ailleurs. La country est très écoutée aux États-Unis. Il y a donc, on va dire, du folk américain, si vous voulez. En Grande-Bretagne, ils ont de la pop. Alors, on pense ce qu'on veut de la pop, mais enfin, ils ont d'autres genres musicaux qui marchent bien, je veux dire, qui sont écoutés. En France, c'est un désert. Vous n'avez plus que de la musique de nègres. Il n'y a pas d'équivalent, ni en Espagne, ni en Italie, ni ailleurs. Hein. Il n'y a pas d'équivalent. Vous avez du rap, mais il n'y a pas d'équivalent. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... À l'époque, il y avait le ministère de la Culture qui était sous Jacques Lang, là, qui avait financé à fond les groupes comme à l'époque c'était NTM, Nick Tamer et IAM, ce genre de choses. Donc ce mouvement, c'est d'avilissement de la musique, c'est piloté directement d'en haut, entre guillemets. Et oui. C'est particulièrement désastreux. Par exemple, prenez un groupe avec le nom du groupe Nick Tamer, et tu... Bon, je me rappelle à l'époque, ben les blancs, nous tous qui étions à cette époque-là, nous dansions sur cette musique. Donc avec du recul, c'est catastrophique. Vous avez un groupe qui vous dit nique ta mère, donc qui nous insulte très fort, et les gens dansent dessus. Donc c'est voilà. C'est, bah oui, c'est bon, oui, c'est ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, il y a une explication qui a été avancée aussi. Elle me paraît assez convaincante. C'est mais pour autant révélatrice aussi. Certains disent que la cause profonde de cette domination totale de la musique afro-négroïde qu'on appelle le rap, le hip-hop, le R&B en France trouve son explication dans la loi Toubon qui visait à contraindre les radios françaises à diffuser 50% de musique francophone ou produite en France. Là, on est au début des années 90, à peu près. Là. Donc, il y avait cette espèce de peur ne riez pas, hein, des souverainistes français de voir la variété française détruite par la musique anglo-saxonne ou anglo-américaine. D'accord ? Donc ils ont dit, on va faire un quota. Donc ils ont recouru à des méthodes de communistes. Ils ont dit, on va faire des quotas pour obliger les radios à faire écouter les gens de la production française. Alors pas de problème, hein, c'est produit en France. Mais en fait, c'est pire. Parce que vaut mieux écouter de la pop britannique que d'écouter une espèce de bruit qui vient d'une banlieue afro-maghrébine pourrie d'Île-de-France. Et donc voilà, donc encore une fois, merci la droite française, parce que tout bon, il vient pas de l'extrême gauche, hein, il vient de la droite, hein, d'accord. Il a été le défenseur des droits là pendant très longtemps, où il prenait systématiquement la défense de tous les migrants, etc. Enfin, c'est tout bon était un agent d'extrême gauche. Enfin, c'est fascinant quoi. Il venait du RPR de Chirac, et comme Chirac, il s'est révélé être un marxiste. D'accord. Et du coup, je pourrais raconter une petite anecdote sur Toubon d'ailleurs. Ah bah je suis preneur. Mais du coup, ça a permis de les radios ont dû consommer de la production franco-française, et par le jeu effectivement de la promotion du hip-hop qui était déjà bien en place avec Jack Land, voilà, et donc ça a créé, si vous voulez, le contexte général pour que le hip-hop devienne archi-majoritaire au détriment d'autres genres. Alors maintenant, ne riez pas, mais après 30 ans de cette politique, les mêmes, puisque là, l'ARCOM, c'est le CSA, donc évidemment, tout bon, c'était par la force de la loi, Jack Lang, c'est le ministère de la Culture, mais donc on est quand même au niveau gouvernemental, et ils disent, voilà, on a un vrai problème, parce que là, ils n'écoutent plus que de la musique d'abruti. Je veux dire, bon, quand... À l'ARCOM, comme je disais, leur considération n'est pas motivée racialement. Mais ils disent c'est quand même effrayant. Je veux dire, la France qui en est réduite à n'écouter que ce truc. Je veux dire, donc il y a quand même eu un petit peu de pression. Et je sais qu'ils sont en train de discuter très sérieusement des mesures pour, comme avec tout bon, c'est-à-dire de dire voilà, on va contraindre les plateformes de streaming à réduire. L'offre de rap, etc., pour que les autres genres existent. Bon, voilà, bon, on verra bien ce qui va advenir, hein, parce qu'on a vu ce que ça donnait, la politique de quota, donc bon, bref. En fait, je donne la parole à Vincent, maintenant, qui a certainement des choses à dire aussi là-dessus, parce que, bon, il a du recul maintenant, et... alors, bon, toi, t'écoutes pas beaucoup de musique d'origine française, là où tu te trouves. Mais en France, c'est vraiment très prégnant. C'est-à-dire, tu vas au supermarché, effectivement, tu vas à la salle de sport, tu ouvres ta radio. C'est vraiment que de la musique de type africain, si tu veux. C'est que de ça, quoi. Tu vois, t'es constamment, au niveau sonore, baigné là-dedans. Donc, c'est très dur d'échapper à ce contexte culturel-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, quand tu vois ça, qu'est-ce que t'as à en dire? Déjà, moi, je dirais que ça... que le rap ne se renouvelle pas et que ça continue à avoir le même succès, je pense que une des explications, ce n'est pas la seule, hein, mais c'est que c'est une musique d'abord très basse, qui excite les plus vils instincts. Or, quand on excite les instincts les plus vils, on n'a pas vraiment à se renouveler. Je ferai une comparaison un peu avec la pornographie. Vous ne pouvez pas dire que la pornographie se renouvelle beaucoup, c'est toujours les mêmes principes. Mais vu ce qu'on cherche dans la pornographie, qu'il n'y ait pas de renouvellement ne gêne pas en fait. Et je pense que dans le rap, il y a un peu de ce phénomène-là qui joue. C'est-à-dire que les gens cherchent du bruit, cherchent des messages, tu l'as bien dit. Il y a toujours des nénettes qui se trémoussent, un mec qui étale son fric, la drogue. Voilà, encore une fois, c'est se remplir les fouilles et se vider les couilles. Hein. Donc, globalement, il n'y a pas besoin de tellement de renouvellement dans ces affaires-là. Alors, pourquoi il y a un tel succès? Je pense que justement, c'est un affaissement général de tout ce qui est transcendance, verticalité, spiritualité, et qui fait que l'on se dirige vers ces choses-là, quoi. Donc ça, c'était à propos, c'était à propos du rap. D'ailleurs, un jour, j'allais donner un cours particulier à Paris et j'avais entendu une émission très drôle sur une radio libre, je ne me rappelle plus laquelle c'était. Et il disait, on va vous expliquer comment on fait une chanson de rap. Et il donnait une méthode et à la fin, ça donnait une chanson. On aurait dit vraiment une chanson sérieuse, mais les paroles étaient délirantes parce que c'était, je me rappelle encore, ça fait pendant des années, et ça faisait « ça pue, ça arrache, ça fouette, c'est à cause des auréoles que j'ai sous les bras ». Et on aurait vraiment dit une chanson sérieuse, quoi. Et il l'avait faite en quelques minutes pour montrer à quel point le rap était une absurdité. Et j'ai trouvé que la démonstration était bonne. Dommage que cette émission comique n'ait pas eu plus de retentissement. Voilà. Mais un soir, quand pendant 3 heures, j'ai écouté une émission moi, de rap, où les rappeurs venaient expliquer comment ils créaient leurs chansons. Je voulais savoir. Enfin, c'était une émission qui durait du genre, ouais, ça, de 11h à 2h du matin. J'avoue que ça m'a pas convaincu. Hein. Le don suivant, c'est Super Léon. Hein. 2 Monero envoyés à ce jour. Tenez bon, vous avez raison, vos analyses sont bonnes. Gardez aussi l'humour hautement corrosif qui caractérise DP. L'article sur nos Thénardier et les grolls d'influenceurs algériens font ma semaine. Alors ça, c'était en référence à Emmanuel Macron en déplacement à Londres pour les obsèques, pour les funérailles de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Effectivement, il avait une touche d'influenceur algérien, c'est exactement ça d'ailleurs. Et notre auditeur continue. Quant au choix des miniatures, nègre à banane par exemple, etc., etc., les titres, bordel, les titres. Donc, bonne continuation et salut à la victoire. Salut Super Léon, c'est un mécène hein, de l'émission, toujours très généreux. Je suis content qu'il soit derrière nous collectivement. C'est grâce encore une fois à nos mécènes qu'on peut continuer. Je vous le dis tout de suite, pas de dons, pas d'émission. Pas de site, pas de forum, et si on avait davantage de ressources financières, on pourrait faire davantage de choses, je le dis aussi d'emblée. Alors messieurs, je vous propose de commencer cette émission avec un petit courrier des lecteurs très rapide. Alors, bonne rentrée à toute l'équipe. Les derniers arrivants dans l'émission, Jean Bureau, Nogaret, Hydromel, Sobieski, sont très bons. Maturité, référence, humour, pensée structurée, du solide. Merlin se fait rare, mais ces merlinades sont des pépites. Eh bien, je m'en vais vous dire que vous en aurez une aujourd'hui, chers amis. Salutations au précieux Vincent, que les panzers roulent sur les cadavres de nos ennemis. Et c'est qu'ils brûlent, tant d'enfer, vous avez bien évidemment compris la référence. Salut à toi qu'ils brûlent, rendez-vous. J'espère pas en enfer, mais on verra bien. Alors ça c'était un petit courrier de lecteur, j'en ai un autre, mais que je lirai la semaine prochaine probablement, tout simplement parce que l'émission est copieuse aujourd'hui et on avait de quoi faire, mais elle est très drôle et bon, voilà. Donc rappelez-vous, chers auditeurs, si vous avez des anecdotes, faites-les nous parvenir, qu'on les lise durant l'émission, qu'on s'en régale, qu'on s'en amuse. Alors, messieurs, commençons l'émission. À proprement parler, rubrique numéro 1, grand remplacement. Alors là, le titre de la rubrique ne pourrait pas mieux correspondre aux faits, puisqu'il s'agit de la déclaration tonitruante en début de semaine d'Emmanuel Macron sur son plan, alors je cite, hein, de transition démographique. Transition démographique. Ne parlez pas de grand remplacement, ignoble fasciste raciste que vous êtes. Un xénophobe à l'esprit étriqué et obtus, rongé par la haine. Non, soyez généreux, ouverts, voyez plus loin. Voyez une France généreuse, pensez transition démographique. À tout de suite, ça, voilà, c'est positif, on a envie d'espérer. Écoutons Emmanuel Macron et retrouvons-nous tout de suite après pour commenter cette prise de parole. Nous devons, et là-dessus, j'ai demandé à Madame la Première Ministre de piloter ce travail, mais vous aurez une responsabilité, avoir une politique profondément différente de répartition sur le territoire. Des femmes et des hommes qui sont en demande de titres, et y compris de celles et ceux qui les ont reçus. Notre politique aujourd'hui, elle est absurde. Elle consiste à mettre des femmes et des hommes qui arrivent, qui souvent ne parlent pas notre langue, qui sont dans la plus grande misère, dans les quartiers où il y a de l'hébergement d'urgence, qui sont déjà les quartiers les plus pauvres de la République. Monsieur le ministre ne me démentira pas, Clichy-sous-Bois n'est pas la ville qui a le plus de richesses, il y fait un travail formidable et il y a des femmes et des hommes qui réussissent, il se trouve qu'il doit intégrer et faire réussir plus de femmes et d'hommes que les quartiers les plus cossus de la ville où nous nous trouvons et que des quartiers de grandes villes, mais aussi que d'espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population. Et là où je pense que nous avons, si nous savons l'organiser sur le territoire, une formidable opportunité, c'est que les années qui viennent seront des années de transition démographique. D'ores et déjà, nous sommes en train de perdre des élèves dans nos écoles et nos collèges. Cette année, je pense sous le contrôle du ministre, environ 60 000. L'année prochaine, 95 000. J'ose à peine imaginer, plusieurs d'entre vous sont dans des territoires ruraux. Quels que soient les engagements pris, nous devrons fermer des classes et vraisemblablement des écoles et des collèges. Si nous savons offrir de l'hébergement, de l'urgence et de l'intégration dans ces régions à des femmes et des hommes qui arrivent sur notre sol, les conditions de leur accueil seront bien meilleures que si nous les mettons dans des zones qui sont déjà densément peuplées, avec une concentration de problèmes économiques et sociaux massifs, et où vous avez déjà trop d'élèves par classe, et où parfois vous vous retrouvez avec des classes qui ont 10 à 15 élèves allophones. C'est ça la situation qui est la nôtre. Elle est absurde. Donc, vous l'avez compris, sur ce sujet, il nous faudra mobiliser, à la fois changer nos règles, mais je veux qu'on mobilise aussi l'intelligence collective, et là-dessus, qu'entre nos régions, on puisse créer un système de répartition bien meilleur, justement, de celles et ceux qui arrivent sur notre sol. Alors, donc, de quoi s'agit-il ? Alors, Emmanuel Macron nous dit plusieurs choses. Il nous dit, voilà, bon, hein, finalement, les campagnes se vident, hein, y a un vieillissement, bon. Les services publics se font rares. On se demande pourquoi, d'accord, parce que c'est lui qui les ferme. Mais bon, là, ils se font rares, vous savez, les écoles, hein, quand même. Mais, là, il y a peut-être une solution. Quelle est-elle ? Ah, bien... Peut-être que si toutes ces communes en déshérence, en déréliction, tous ces maires qui se demandent si leur école et leur poste va fermer, mais il y a une planche de salut. Et cette planche de salut, c'est l'immigration, c'est, et je cite ici le cardinal d'Éric, qui va revenir dans l'émission, hein, il est très occupé, hein, mais la ventilation, la ventilation. Donc on va acheminer dans les communes rurales de nouvelles populations, hein, pour vivifier le tissu rural. Hein. Ça, je sens que ça va aller de l'avant tout ça. Ça. Le terroir va respirer. Et voilà, ils disent voilà. Alors évidemment, évidemment, il le dit sur un ton assez neutre, mais vous comprenez bien qu'il y a une charge implicite. Hein. Il faut décrypter, il faut analyser le message. Mais ce message, sa prise de parole, est lourde, lourde, lourde de menaces. Elle est lourde de menaces, on va y revenir. Alors, il a chargé d'ailleurs, hein, Elisabeth Bornstein, de mettre en œuvre, hein, cette politique de transition démographique. Moi, ça m'amuse, ce terme. Voilà, il a dit, voilà, hein, on va piloter, hein, on va... Hein, voilà... prendre notre Cessna, là, on va piloter, et on va vaporiser le tiers-monde sur nos beaux villages de France, hein, hein, avec les clochers et tout ça, voilà. Alors, il y aura les appels du muezzin, etc. Mais il va la fermer, sa gueule ! Alors, qui veut réagir à ce... Alors, attention, c'est très sérieux, hein. Faut, on peut s'en amuser, juste pour pas pleurer, j'ai envie de dire. Mais attention, c'est une politique d'État, hein, voilà. Donc, qui est dans la continuité d'ailleurs de ce qu'avait dit Valls, rappelez-vous, la politique de peuplement, etc. Donc voilà. Et comme ça n'a pas dû vous échapper, il y a eu toute l'affaire, tout le micmac à Calac, petit village breton de 2000 habitants, où les millionnaires Cohen, avec l'aide des pouvoirs publics, veulent implanter, hein, des migrants afro-musulmans, je crois environ 150 pour commencer. Donc ils rachètent en fait tout ce qui est bâti dans la commune. Et il les loge sur place, les pouvoirs publics allongent de l'argent, tous les mécanismes sociaux rentrent dans la danse, les assistants sociaux, etc. Et alors tous les patrons véreux du secteur sont enthousiasmés, notamment dans le maraîchage, puisqu'on va leur offrir des bras et des jambes, en tout cas sur le papier, pour aller ramasser les légumes, nous dit-on. Voilà. Alors du coup, le petit patronat véreux local est main dans la main avec l'extrême gauche trotskiste, no border, mais c'est authentique ce que je vous dis, hein, les antifas étaient présents dans le village, hein, pour semer la terreur. Et en plus de madame, il y avait une sénatrice, hein, madame la sénatrice, socialiste évidemment, hein, qui était là pour, avec son écharpe tricolore, pour dire, hein, avec solennité qu'il fallait accueillir, hein, avec générosité, etc. Le préfet, les flics lourdement présents, les gardes mobiles, voilà. Et alors par contre, grand absent, le peuple, qu'on n'a pas estimé nécessaire de devoir convoquer. Donc pour vous dire quand même que c'est, je veux dire, ce type de processus ne reste pas de l'ordre d'un vœu pieux, hein. D'accord. Donc il y a déjà une face active en mouvement, et ça se passait dans la même semaine. Hein, donc l'épisode de Kallak, d'ailleurs, qui a vocation, parce que les millionnaires Cohen veulent reproduire le système partout en France, je crois, ils ont 10 ou 20 projets identiques pour commencer en tête. Donc évidemment, ça qui a fait la une des journaux ne tombe pas par hasard avec la prise de parole de Macron sur son projet de repeupler les campagnes. Alors messieurs, je voudrais votre opinion, puisque vous savez que nous appelons régulièrement ici à ne pas rester dans les grandes agglomérations pour des raisons raciales, migratoires, sécuritaires. Mais si le problème recommence dans des villages de 2000 habitants, même si c'était prévisible, un problème va se poser forcément. Alors qu'est-ce que vous voulez dire d'abord de la parole de Macron là-dessus, de ce projet? Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Est-ce que vous dites non, c'est du vent, ça ne se reproduira pas? Et si oui, ben qu'est-ce que vous diriez face à ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, moi j'ai justement, je prends ça très au sérieux, c'est-à-dire que Macron est un bel exemple de cosmopolite, puisque normalement quand on est un humain normal, quand des migrants arrivent, on peut les accueillir, mais on attend aussi le départ, qu'ils retournent chez eux ou qu'ils aillent ailleurs. Et dans le cas d'une installation, eh bien je suis, ça c'est un début de solution bien sûr, je suis pour ce qu'avait fait, je crois, Orban, et qui a été repris récemment, c'est-à-dire qu'Orban, quand il est arrivé au pouvoir, et que... Enfin, c'était peut-être pas encore au pouvoir, mais c'était peut-être à la mairie, il avait bien compris que les centres-villes étaient très à gauche, pour l'accueil, etc. Et il avait installé, me semble-t-il, ce sera vérifié, mais il avait installé les migrants au niveau de la gare, là où le monde passe. Ça a permis de montrer à ces populations de centres-villes pro-migrantes que les migrants étaient une gêne quotidienne, et c'est ce qui a poussé en sa faveur. Là, pour récemment, pour montrer d'ailleurs aussi l'aspect, focus de la gauche pro-migration, c'est le gouverneur de Floride, DeSantis, qui a envoyé tout un tas de migrants sur une île, enfin je crois que c'est une petite île qui s'appelle Martha Vineyard, qui est une île où il y a les résidences Obama par exemple, qui est ultra démocrate, et il a envoyé tous les migrants là-bas en disant bah écoutez, vous avez de la place, vous êtes riches, vous pouvez les installer. Et là on a vu que les démocrates étaient très capables de renvoyer des migrants à la vitesse grand V. C'est-à-dire que, comme Macron le dit lui-même, il dit, voilà, les villes qui les accueillent aujourd'hui, ce sont les villes pauvres. Bon, il y a des quartiers riches, etc. Mais non, on va pas les mettre là, on va les mettre dans les villages de campagne. Donc, s'il n'y a pas de projet de repeuplement, je ne sais pas ce qu'il y a, parce que sinon, il faudrait les mettre dans des lieux, justement, un peu plus fortunés, qui pourraient absorber cette population selon leur idéologie. Hein. Moi, bien sûr, il faudrait les renvoyer. Bah qu'on les foute à l'Élysée déjà pour commencer. Exactement. On leur offre une tente comme Kadhafi s'était installé sur les jardins. Exactement, très bien. Mais tu sais, il y a un grand truc, là où il y a toutes les bagnoles avec le gravier là, bah on en fout une, je sais pas, on en fout une cinquantaine là. Ah oui, il y a la place. Bah, mais les droits de l'homme, la dignité, etc. Ils ont, je sais pas quoi. Moi, quand je vois un pouilleux venir de Somalie, il a autant de dignité que Macron, hein. Donc. Moi, je vois pas pourquoi on lui interdirait l'accès à l'Elysée. Non, mais qu'on en foute une cinquantaine là sur le parvis de l'Elysée. Eh, il a bien fait danser des nègres homosexuels pour sa fête de la musique. Ils étaient en train de gigoter. Bon, là, franchement, quand on fait ça, on peut bien accepter d'aider la misère humaine et installer des migrants de Somalie dans la cour de l'Elysée. Bah, qui montre l'exemple plutôt que de bavarder là. Et même dans le jardin de l'Elysée, il y a de la place. En plus, oui, ils sont protégés, ils n'auront pas... les toilettes de l'Élysée. oui. Qui vont laisser très propre, j'en suis sûr, moi, il n'y a pas de raison, ces gens sont quand même tout à fait comme nous, non? Alors, voyons. Et au moins... Dans le jardin de l'Élysée, on peut en mettre au moins 4 ou 5 000, hein, s'il est grand, le jardin de l'Élysée. Non, mais il faut commencer petit. Et puis surtout, derrière les murs de l'Élysée, à l'abri des murs de l'Élysée, ils ne risqueront pas d'agression de l'extrême droite. Ça, c'est quand même aussi important à dire. Moi, j'aimerais que Macron mette des actes sur ses paroles. Ouais, déjà qu'il aille à la guerre en Ukraine. Oui, bon bah, ouais. On va attendre longtemps. C'était ce qu'avait dit Céline. Allez, on envoie tous nos députés. Tous nos, tous les élus, allez, au four en premier. Ah là, on va voir que soudainement, la paix peut revenir assez vite. Là, hein, quand c'est plus la peau des autres, la paix revient. Soudainement, on s'entend avec l'ennemi. Hein, c'est bizarre. Et ça, j'avais tout. C'est un des rares trucs que j'ai vu chez Céline. Mais comment dire, bah tu vois, Vincent, donc le programme de transition démographique où on va, bon, en gros, on étouffe, on n'en peut plus, il faut les foutre quelque part. Alors, certains diraient, mais pourquoi on ferme pas les frontières? C'est ça qui est marrant, parce qu'il dit, bon, si les grandes villes saturent, comment se fait-il que les pouvoirs publics ne disent pas, non, il faut fermer les frontières? Et visiblement, il dit, non, ça sature, du coup, on va déplacer le problème dans les campagnes. C'est marrant, hein, y a un dogmatisme sur l'ouverture des frontières qui est vraiment total, quoi. Il n'est pas question de remettre en cause ce principe. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces déclarations de Macron? Forfanterie, propos non, comme pas ça du tout. Non, pas du tout. Moi, d'abord, cette affaire est passionnante. Elle est passionnante et parce que déjà, ça démontre une première chose. Pour l'instant, je ne parle pas encore du discours en lui-même, mais ça démontre qu'il n'y a pas de complot. Tout est annoncé clairement. Je veux dire, ces gens ne se cachent pas. Hein, on le voit là, Macron, il s'exprime, c'est filmé, et c'est redit après. Donc, il n'y a pas de complot. Et c'est par exemple la même chose avec le pacte vert. Vous savez que l'on va imposer, que l'Europe nous impose. L'objectif principal, hein, c'est d'atteindre la neutralité pour le climat d'ici 2050. Eh bien, c'est un pacte, vous le trouvez. Il est tout à fait publié. Et on nous dit bien, attention, hein, au-delà de la neutralité climatique, le pacte vert pour l'Europe est un projet global de gouvernement. C'est qu'on dit attention, au motif d'arriver à une neutralité climatique, on va réformer l'industrie, l'habitation, l'enseignement, la santé et même les transports. Quand on lit ce rapport, on voit qu'ils sont en train d'orienter de force, sans demander rien à personne, l'Europe dans une certaine direction. Mais là encore, il n'y a pas de complot. C'est complètement annoncé. Et il y a un deuxième rapport qui est passionnant, c'est celui de 2009 de l'OCDE. C'est un agenda pour la bioéconomie à l'horizon 2030. Et il annonce un futur où les NBIC, vous savez, les nanotechnologies, biotechnologies, les sciences de l'information et de la cognition, donc les NBIC, devraient résoudre bien des problèmes que l'humanité rencontre aujourd'hui. Et notamment des problèmes dans la santé et le bien-être. C'est-à-dire que ces gens, dans un rapport publié en 2009, qui est accessible, bon, en anglais, je crois, enfin, moi, je l'ai eu en anglais, il n'est peut-être pas en français, mais ils nous disent, attention, nous vous conduisons vers un futur où votre santé va être améliorée, votre bien-être va être amélioré, c'est-à-dire un futur clairement transhumaniste. Ils ne s'en cachent pas. Et les transhumanistes ne se cachent absolument pas que leur monde sera le monde de référence où les non-transhumains seront rien. Je vous rappelle que dans son livre qui a été publié en 2002, Kevin Warwick, c'est un professeur de cybernétique britannique, chantre du transhumanisme, hein, et son livre d'ailleurs s'appelle « Moi le cyborg », parce qu'il s'est fait implanter une puce dans le bras qui est en relation avec son cerveau, enfin peu importe. Et qu'est-ce qu'il dit cet homme? C'est à la page 4 de son livre. Donc il dit qu'on va devenir des cyborgs. On peut devenir des cyborgs aujourd'hui, c'est-à-dire mi-homme, mi-machine. Et il dit, cela ne signifie pas que tout le monde doit devenir un cyborg. Si vous êtes satisfait de votre état humain, qu'il en soit ainsi. Vous pouvez rester tel que vous êtes. Mais attention, tout comme nous les humains, nous sommes séparés de nos cousins les chimpanzés il y a des années, les cyborgs se sépareront des humains, c'est-à-dire des humains pas augmentés. Ceux qui restent en tant qu'humains sont susceptibles de devenir une sous-espèce. Ils seront en effet les chimpanzés du futur. Donc voilà un gars qui mène, c'est une tête du transhumanisme, qui dit attention, si vous ne voulez pas changer, si vous ne voulez pas vous mettre des implants partout, ben vous serez nos chimpanzés. Donc tout est annoncé, il n'y a pas, encore une fois, de complot. Et pourquoi n'y a-t-il pas de complot? Parce que, au moins à ce niveau-là, hein, parce que ces gens se qualifient de bienfaiteurs de l'humanité. Ils sont persuadés d'agir pour le bien de l'humanité. Et à propos, par exemple, du pacte vert qu'on nous impose depuis 2019, de 2020, eh bien, Frans Timmermans, hein, le vice-président de l'exécutif de la Commission européenne, a dit ce que nous proposons, en fait, en vérité, c'est ce que nous imposons. Ce que nous proposons est une transition verte et inclusive qui contribue à améliorer le bien-être de la population et à maintenir notre planète en bonne santé pour les générations à venir. Donc voilà, ces gens n'ont aucune raison de se cacher puisque, au moins, ils nous disent que non, grâce à eux, c'est le paradis pour demain. Vous serez en bonne santé pour l'éternité dans une planète qui ira parfaitement bien. Voilà. Donc déjà, il n'y a pas de complot. Et là, j'en viens au discours de Macron, un discours complètement fou, puisque quand il parle de transition démographique, c'est le grand remplacement. Tout le monde l'a parfaitement compris. Or, ce gars, donc, j'ai raffolé de son intervention, non pas pour ce qu'elle présage, mais pour ce qu'elle avoue. Parce que vous remarquez que ça fait depuis des années qu'on nous dit « mais l'intégration, ça marche bien ». En France, les politiques sont des politiques à succès d'intégration. Et voilà soudainement M. Macron qui arrive et qui qualifie d'absurde la politique d'intégration menée. Car, nous dit-il, on regroupe les immigrés qui souvent ne parlent pas notre langue, qui sont dans la plus grande misère, on les regroupe dans les quartiers les plus pauvres de la République. Et il ajoute, nous les mettons dans des zones qui sont déjà densément peuplées, avec une concentration de problèmes économiques et sociaux massifs, et où vous avez déjà trop d'élèves par classe, et où vous vous trouvez avec des classes qui ont 10 à 15 élèves allophones, donc 10 à 15 élèves qui ne parlent pas le français. Et il conclut, c'est la situation qui est la nôtre, elle est absurde. Donc, ça fait depuis des années que ces gens pratiquent une politique d'intégration qui est une politique absurde. Et on nous le dit aujourd'hui, la bouche en fleurs, tranquillement. Attendez, ça fait donc des années que vous nous menez une politique qui est une politique en fait criminelle, hein, une politique absurde. Vous le dites vous-même, avec des gens qui ne parlent pas notre langue, que l'on met dans des quartiers pauvres, donc une politique qui mène à la catastrophe, une catastrophe qu'on voit aujourd'hui. Alors s'il le dit, M. Macron, aujourd'hui, s'il a le courage de le dire enfin, et il faudrait peut-être lui demander des comptes pour ça, et à tous ses prédécesseurs, il nous dit parce qu'il pense avoir trouvé la solution. Et en effet, c'est ça. On va ventiler les immigrés en province, et plus particulièrement dans les déserts ruraux. Et pour cela, il appelle à mobiliser l'intelligence collective pour réaliser ce projet. Alors déjà, moi, je lui répondrai qu'il n'y a rien de nouveau. La ventilation, elle existe depuis des années, hein, parce qu'on voit dans des petites cités de province des immigrés arriver. Moi, je vois près de chez ma mère, dans une petite ville qui s'appelle Villers-Bocage, il y a de plus en plus d'immigrés, alors qu'il n'y en avait pas un seul. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais si on fait marcher un tout petit peu son intelligence, moi, je ne demande pas une intelligence collective, je ne sais pas si on peut la trouver vraiment, mais enfin, si on fait un tout petit peu marcher son intelligence, pourquoi y a-t-il des déserts ruraux? Moi, je demanderais ça, Monsieur Macron. Je dirais, mais Monsieur Macron, pourquoi y a-t-il des déserts ruraux? Alors, l'origine, peu importe, mais aujourd'hui, pourquoi il y en a? Ben parce qu'il n'y a plus de travail. Les usines ont été regroupées près des villes, voire elles ont été délocalisées à l'étranger. Donc, il y a eu de moins en moins de personnes à être là. Donc, les petits commerces sont fermés. Les infrastructures, postes, etc., ont disparu petit à petit. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans des lieux où il n'y a plus de travail. Et pour vivre à la campagne aujourd'hui, il faut une voiture. Sinon, c'est difficile de faire vos courses, c'est encore plus difficile d'aller travailler, voire d'emmener vos enfants à l'école. Donc, je dirais à M. Macron, mais alors, supposez que vous donniez des logements à ces immigrés, vous allez faire vivre des gens, un, qui souvent ne parlent pas notre langue, vous le dites vous-même, deux, qui sont dans la misère. Comment allez-vous faire vivre dans des lieux où il n'y a pas de travail? D'accord, on nous ressort, en effet, dans un village breton, le maraîchage. Mais je peux vous dire que dans la majorité des déserts ruraux, il n'y a plus de travail. Plus de travail, mis à part peut-être ramasser des fraises de temps à autre, mais c'est tout. Et ces gens qui ne parlent pas la langue, ces gens, comment vous allez faire? Eh bien, il n'y a qu'une façon. Vous allez les loger et les faire vivre d'allocations. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces allocations? Eh bien, ils vont s'acheter de quoi manger et ils vont s'abonner à la télé satellite qui leur permettra de regarder les émissions de leur pays. Résultat, intégration 0-0. Et alors, il nous parle, oh, il y a des classes qui ferment, il y a des collèges qui ferment, il y a des établissements scolaires qui ferment, parce qu'il n'y a plus assez d'élèves. Ok, mais si vous voulez les rouvrir, c'est pas 400 élèves de plus qu'il faudra mettre, ce sont des effectifs énormes. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver à nouveau dans la campagne française avec des classes où il y aura 10 à 15 élèves allophones, comme vous dites. Donc, c'est-à-dire 10 à 15 élèves qui ne parlent pas français. Donc, globalement, conclusion de tout votre discours, vous ne faites que déplacer les problèmes. Les problèmes qui avaient lieu à Clichy-sous-Bois, comme M. Macron a donné comme exemple de ville, eh bien, ce sera un peu partout en France. Vous allez saupoudrer des masses de gens qui, de toute façon, ne s'intégreront pas parce qu'ils ne parlent pas notre langue, ils sont dans la misère, on ne pourra pas leur donner du travail. Et dans les écoles, ça va poser énormément de problèmes. Alors, vous allez garder des collèges ouverts, mais les collèges deviendront des garderies, comme c'est hélas trop souvent le cas. Donc, le problème, en fait, si j'avais M. Macron en face de moi, je dirais, mais c'est pas... Le problème, il est dans l'immigration, dans le concept d'immigration. Qu'est-ce que, traditionnellement, un pays, quelle immigration prend-il en compte? Mais c'est l'immigration de travail. C'est-à-dire qu'il va accepter les gens à condition que ces gens peuvent apporter une plus-value au pays, une plus-value le plus souvent par leurs compétences professionnelles ou intellectuelles. Ça veut dire que ces gens-là sont extrêmement minoritaires. En comparaison de la population de souche, c'est 1 pour 10 000, 1 pour 100 000, mais pas plus. Parce qu'il n'y a pas des génies partout dans le monde, où nous, en France, on a suffisamment, on avait à l'époque, des gens suffisamment intelligents. Donc, l'immigration de travail, c'est une immigration d'abord ultra minoritaire, rien à voir avec ces contingents qui arrivent maintenant, et puis c'est une immigration de gens qui veulent et qui peuvent s'assimiler. Parce qu'étant ultra minoritaires, ayant des capacités en général intellectuelles, ils vont s'assimiler. Moi, je ne dis pas s'intégrer. Non, je parle d'assimilation. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça qu'on veut. C'est face à une transition démographique, on est en train de nous imposer une immigration de peuplement. Ça n'a rien à voir avec une immigration de travail. C'est totalement à l'opposé. Alors qu'une immigration de travail peut être, ça je l'avoue moi-même, tout à fait positive. Parce que ces gens qui arrivent en ultra minorité peuvent apporter certains plus, peuvent apporter certaines nouveautés qui, mises à dose homéopathique dans le tissu social, ne sont pas forcément mauvaises. Mais l'immigration de peuplement, ça n'a rien à voir. C'est un essaim de criquets qui arrive, ça n'a rien à voir. Donc, quand on me parle, moi, de transition démographique, ben je dis un pays qui fait face à une transition démographique, c'est un pays qui meurt. Et la solution n'est sûrement pas de remplacer avec des gens inassimilables. Alors on dira, oui, vous êtes raciste. Absolument pas. Et là, et j'en termine là, hein, je conseille aux auditeurs de DP de lire le livre de Jean-Claude Chénet, un auteur tout à fait politiquement correct, qui s'appelle « Le crépuscule de l'Occident ». Ce livre a été édité d'ailleurs par Robert Laffont. Donc c'est vraiment pas... c'est-à-dire, ça, vous avez vraiment... Il est estampillé, politiquement correct. Et je voudrais juste vous lire un extrait, donc c'est de la page 354. Et c'est exactement le problème que pose Macron à l'heure actuelle. Il dit « Le rajeunissement par immigration n'est qu'une solution temporaire pour une société qui ne verrait pas sa fécondité se redresser et ne le serait qu'à condition, donc cette immigration de peuplement, ne serait qu'une solution qu'à condition d'être massive. On imagine aisément les graves problèmes posés par une immigration nombreuse en provenance de pays très différents culturellement et socialement des pays d'accueil. Remédier aux faiblesses structurelles du pays, c'est-à-dire la persistance d'une anémie démographique, donc une peu de naissance, donc, remédier aux faiblesses structurelles de pays par un recours croissant à l'immigration étrangère peut, à terme, remettre en cause l'harmonie de peuples du peuplement et la cohésion sociale qui ont fait l'attractivité de la société d'accueil. L'excès de prospérité finirait-il par menacer l'identité culturelle? La question mérite d'être posée. Bien que la notion d'identité puisse être évolutive, elle repose néanmoins sur un vouloir vivre en commun et donc sur une prépondérance des facteurs de ressemblance par rapport aux facteurs de différence. C'est la façon pour quelqu'un de politiquement correct de dire en gros, il faut un pays racialement homogène. Cette volonté collective de partage survivra-t-elle ? Ou faut-il se résigner à admettre que, à l'heure de la domination des grands ensembles internationaux, la plupart des pays n'ont plus la taille critique pour échapper au rouleau compresseur de la dilution dans le grand mouvement d'internationalisation contemporaine ? Et finalement, l'auteur dit oui, nous allons nous diluer. Et face à cela, qu'est-ce qu'il dit ? Il faut un relèvement de la natalité, c'est-à-dire un relèvement de la natalité des populations de souche. Il dit c'est la seule façon. Sinon, cette immigration de peuplement, elle devra être massive et elle va entièrement submerger le pays et menacer son identité. Il ne le dit pas ainsi parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un de politiquement correct, mais le message est là. C'est un livre extraordinaire, ce livre. Un livre qui est 100% pour nous, alors que c'est un auteur politiquement correct. Alors, j'en terminerai. Ben oui, mais pour relever la natalité de la population de souche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut changer la société et redresser les mœurs, notamment supprimer l'hédonisme des populations qui, voulant la facilité, font peu d'enfants, et en font d'autant moins que, comme le dit l'auteur Jean-Claude Chénet, aujourd'hui, une famille de 3 enfants voit son pouvoir d'achat diminuer de moitié par rapport à une famille qui n'a pas d'enfants. Ben, il est évident qu'avec une société de ce genre, les gens ne font pas d'enfants. Donc c'est là qu'il faut non seulement réformer les mœurs, mais rénover la société. Et ben ça veut dire une chose, c'est-à-dire que le problème, il est chez nous. Encore une fois, le problème initial, il est chez nous, dans notre société. Et c'est nous qu'il faut réformer, et une fois qu'il y aura cette réforme, à ce moment-là, on pourra peut-être entrevoir le bout du tunnel, s'il n'est déjà pas trop tard. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, c'était ce que je voulais vous dire à propos de l'intervention de M. Macron. C'est très intéressant. Moi, ce que je dirais en complément de ce que tu as dit, que tu as très bien exposé, on sent bien, parce que ce qu'exprime Macron est le point de vue du sommet de la chaîne alimentaire, de la pyramide sociale. Son point de vue est représentatif non seulement de celui des élites françaises, mais aussi des classes dominantes dans la société française. Parce que, et ça me frappe toujours, énormément, le point de vue sur l'immigration, le point de vue utilitariste domine. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que dans les réactions des gens, quand on leur parle d'immigration, quand on leur dit « Tiens, regarde cet immigré, il travaille, il cotise. » Ah, c'est formidable. Ah, extraordinaire. Il nous en faudrait plus des comme ça. Pas comme les autres. Et ils s'empressent toujours de dire. Ah, et puis surtout pas comme tous ces Français-là qui sont des cas sociaux et qui n'apportent rien au pays. Très, très révélateur, ça. Alors, je ne vais pas tresser des lauriers aux cas sociaux, puisque souvent, d'ailleurs, eux-mêmes votent à l'extrême gauche ou à gauche. Donc, ils ne contribuent pas positivement au débat, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est pas ça. C'est que quand on forme une famille, il y a des tocards dans la famille. On le sait. Il y a des gens brillants, il y a des gens qui réussissent, puis il y a toujours un des membres de la fratrie qui est un tocard. Mais est-ce qu'on l'aime moins ? On l'apprécie peut-être moins sur certains aspects, mais est-ce que il ne fait quand même pas partie de la fratrie. Est-ce que c'est pas ça aussi, appartenir à une fratrie, justement ? Est-ce que c'est pas être présent pour ceux qui ratent ? Eh bien, ces gens-là vous disent non. Ils vous disent non. Les gens de notre groupe, ils disent pas ça comme ça, mais les gens de notre groupe, au sens de notre tribu, qui ne sont pas au niveau, on les dégage. Mais on va prendre les meilleurs, soi-disant, qui viennent de l'extérieur, enfin, ceux qui veulent bosser, quoi, voilà. Sous-entendu, ça c'est vraiment un point de vue individualiste, sous-entendu, on évalue les gens uniquement à leur capacité de performance économique et fiscale, grosso modo. Mais quiconque a un peu de recul sait très bien que les sociétés ne sont pas du tout régies par les principes de l'économie ou de la fiscalité. C'est-à-dire qu'il y a des affinités entre populations qui sont fixées par le sang, la culture, des affinités ethno-culturelles. qui font qu'il y a un « nous » et un « eux ». Des barrières non écrites, mais que tout le monde connaît. Et que tout le monde, d'ailleurs, en France, peut expérimenter. Et pas qu'en France, dans toutes les sociétés multiraciales, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité pour l'État d'édicter une loi pour bien sentir qu'il y a un « eux » et il y a un « nous hein. ». Voilà, quand il y a, entre guillemets, une phase de craie qui se retrouve dans le mauvais quartier à la mauvaise heure, il va vite comprendre qu'il n'est pas à sa place. Bon, c'est pas écrit dans la loi, il n'y a pas un flic pour lui expliquer, et c'est pourtant la réalité. Eh bien, on comprend, empiriquement, hein, donc, que le paradigme économique, de l'efficacité économique, ne fait pas un peuple. Eh bien pourtant, le nombre de Français de souche qui raisonne comme ça, est tout à fait impressionnant. Tout à fait impressionnant. C'est un raisonnement bourgeois. C'est un raisonnement bourgeois. Tu ramènes de l'argent dans la caisse, je t'aime bien. Tu ne ramènes pas d'argent dans la caisse, je ne t'aime pas. Or, pour nous, nationalistes, ça n'est pas le critère fondamental. Le critère fondamental, c'est « es-tu de mon peuple par ton sang ou ne l'es-tu pas ?» C'est le premier critère. De quoi tout découle. Beaucoup de Français ont divorcé d'avec ce principe pour adopter le principe de l'argent, le principe du gain. Et vous pourrez le constater sur les réseaux sociaux quand il est question par un patron voyou qui exploite d'ailleurs le statut de clandestin d'un immigré, vous verrez se précipiter les bourgeois blancs pour dire « extraordinaire, donnez-lui des papiers tout de suite !» C'est un petit peu comme avec Jean-Paul II, hein, « santo subito, sanctifions-le tout de suite, hein, tout de suite, donnons-lui des papiers, il va rapporter de l'argent. » Mais ça, on ne fonde pas des nations là-dessus. On n'a jamais fondé de nations là-dessus et on ne fondera jamais de nations là-dessus. Et donc, ce que tu as décrit, c'est-à-dire le fait que ces élites qui constatent en fait une baisse des rentrées fiscales, parce que c'est ça qu'on voit, pourquoi la France s'endette ? Parce qu'il y a moins d'argent qui rentre que ce qui en sort. C'est assez con, hein, à comprendre. Hein, je veux dire, bon, voilà. Donc, la France crame plus de fric, qu'est-ce qu'elle n'en gagne ? Donc, elle importe des larbins, nous dit-on, parce que les larbins vont remplir les caisses. Je résume vraiment à grands traits la philosophie des élites dirigeantes, mais auxquelles elles adhèrent profondément. Toutes ces classes dirigeantes adhèrent profondément à cette vision. Ils se disent, oui, non, mais c'est bien, ils vont cotiser. C'est pas qu'ils sont marrons, en plus, c'est marrant, c'est exotique, voilà. Bon, s'ils ont un tropisme oriental ou négrophile, c'est encore mieux, mais l'idée, c'est quand même de rapporter du pognon. Or, bon, l'expérience danoise que j'ai citée récemment, donc les autorités danoises ont fait un audit des comptes publics, ils ont regardé par nationalité, au plan des revenus et des coûts, ce que rapportait l'immigration. Bah, ils ont constaté que tout ce qui venait, grosso modo, de l'hémisphère sud, il n'y avait rien à en tirer. Il n'y avait rien à tirer des Africains, mais rien. Je dis les hémisphères sud, je suis vraiment très gentil, puisqu'en fait, c'est toute l'Afrique et le Moyen-Orient. Il n'y a rien à en tirer de ces gens. Donc, ils l'ont constaté, ils ont dit, on arrête. On a cru qu'en faisant venir... Ils avaient adopté le point de vue utilitariste, ils se sont dit, voilà, on va recourir à l'immigration, ça, c'est formidable. Et non, c'est faux. D'accord ? Parce que, pour des raisons raciales, de QI, etc., on peut rien en foutre. Donc, voilà. En plus, ils sont inassimilables, et dès qu'ils arrivent ici, ils se mettent à violer les gonzesses, à trafiquer de la drogue et à tuer des gens. Donc, on arrête, ils détruisent la société, ce sont des parasites, on stoppe. Le Danemark a arrêté complètement cette politique d'immigration. Complètement. Alors, pour pouvoir adopter des solutions durables, il faut déjà avoir le prisme qui corresponde à la réalité. Or, aujourd'hui en France, personne ou peu ont ce prisme. Et je le constate à droite, et même à l'extrême droite, il faut le dire, même à l'extrême droite. La conception raciale des choses n'existe pas. À l'extrême droite, le point de vue utilitariste domine largement. Faut pas prendre de musulmans. On va prendre Christian, un brave Congolais catholique. Avec lui, ça va marcher. Alors oui, il va être moins remuant. Enfin, il va quand même violer une blanche de temps en temps, quand même, voilà. Vous comprenez? Mais c'est le même problème, hein. Donc, le fait est que on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas exister comme peuple par procuration. Toute l'équation est là. La politique d'immigration repose sur l'idée, le concept, qu'un peuple peut exister par procuration à travers d'autres populations. Bon, c'est comme de dire le Japon ou la Chine peuvent exister par procuration à travers le peuple congolais. C'est du même niveau de stupidité, hein, mais bon, c'est le point de vue des élites. Parce qu'ils se disent que voilà, c'est possible, voilà, on va les embaucher. Mais non, sur le long terme, non. Et malheureusement, c'est un résultat de l'individualisme. L'individualisme, qui est un sous-produit de l'idée bourgeoise, hein, de la vision du monde bourgeoise, se dit que l'intérêt à court terme prime sur le long terme, donc les considérations de long terme n'existent plus, on les efface, on les oublie. Donc le peuplement à long terme, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires sur l'année. Le plus drôle, c'est qu'en plus, non seulement cette philosophie est destructrice, mais elle ne rapporte pas les profits espérés. Comme on l'a vu au Danemark, comme on le voit en Suède, comme on le voit en France, mais en France on ne saura jamais, puisqu'il n'y aura jamais de publication des véritables chiffres, donc on ne saura jamais, on a une idée, mais on ne saura jamais le coût que nous a... Enfin, les sommes d'argent qui ont été absorbées par cette immigration africaine, on ne le saura jamais. Mais voilà. Donc le problème, comme tu l'as dit Vincent, le problème est très profond. Les élites françaises défendent mordicus et avec beaucoup de fanatisme des conceptions auxquelles elles adhèrent fondamentalement. On aurait tort de croire qu'elles n'y adhèrent pas. Et donc voilà, et comme ces gens-là façonnent les représentations par les médias, par la culture, on parlait de musique nègre, comme ils façonnent et qu'ils accoutument les gens, eh bien, au bout d'un moment, vous avez, d'un commun accord, à la fois passivement et activement, une convergence qui se fait, un désarmement collectif, et on dit, oui, bon, bah, faisons-les venir. Et pour en terminer sur une anecdote, mais ça c'était aujourd'hui, Darmanin qui se félicite d'avoir dit une augmentation de 20% des expulsions des migrants clandestins. Donc on est au mois de septembre, total de ces expulsions, 3500 pelés. Donc il y a des centaines et des centaines de milliers de migrants clandestins en France, je ne parle même pas de ceux qui sont régularisés, etc. Donc, et il se félicite d'en avoir viré 3500, probablement d'ailleurs la moitié par Mayotte, etc., qui reviendront aussi vite. Voilà, bon, voilà si vous voulez, tout se tient, hein, voilà, tout se tient. Voilà. Donc, le propos de Macron, pour en terminer là-dessus, le propos de Macron est cohérent. Voilà, le point de vue utilitariste, cosmopolite, déraciné, individualiste, bourgeois, voilà, il nous faut des larbins, de toute façon, en plus... Il y a un mépris aussi pour les petits blancs. Hein. Au sein de la race blanche, on ne doit pas sous-estimer un fait, hein. C'est que les blancs qui ont de l'argent méprisent presque racialement les petits blancs. Il ne faut pas le perdre de vue, ça. C'est-à-dire qu'il y a une volonté... Oui, c'était les descendants là, avec Hollande. Oui, il faut se dissocier, il faut mettre de la distance. Et ce qui est très drôle, c'est quoi de mieux pour mettre de la distance que de mettre un nègre entre moi et eux, ouais, tu vois. C'est le réflexe du bourgeois. Mais c'est absolument... Du coup, d'où les goûts pour le cosmopolitisme et l'exotisme musical. Hein, voilà. Oh non, on va pas quand même écouter de la musique de Pecno Blanc, là. Bon, ils en produisent même plus, vous me direz. Mais... Non, mettons quelque chose de... Voilà, des Caraïbes ou de d'Afrique. Voilà. Mais de la distance. Hein, je ne veux pas voisiner avec ces sales blancs. Hein, voilà. C'est vrai, c'est ça, la réalité. Ah oui, c'est tout à fait ça. Henri Roque me racontait, c'est l'auteur, c'était un révisionniste, hein, l'auteur de la thèse de Nantes. Il avait été un jour interviewé à l'époque de sa thèse, c'était en 85, par des journalistes de Libération qui étaient venus chez lui. Et dans l'article, il habitait dans une banlieue blanche, mais de la moyenne classe, de la classe moyenne, quoi. Et dans l'article de Libération, il avait dit, nous montons dans la cage de l'escalier, et ça sent le chou et l'eau de Javel. Et c'était tout le mépris du journaliste de gauche pour le blanc. Le blanc qui, bah oui, qui cuisine de façon traditionnelle, qui est propre, le goût de, voilà, ils préfèrent la banlieue crasse, voilà, ils préfèrent, ils y vont pas, hein. Mais eux, c'est leur image. Si c'est un immeuble propre, où ça sent de la cuisine, bah oui, traditionnelle, ils ont un mépris pour cela qui est absolu. Mais qui est un mépris de classe, et qui s'explique très bien, c'est parce qu'ils en viennent. À un moment ou à un autre, dans leur arbre généalogique, ils en viennent. Tout à fait. Et ils n'ont pas envie d'y retomber. Donc ils font une association entre le déclin social, le déclassement social, et un certain type d'idées. Et pour eux, c'est ça. C'est pourquoi le mépris de la gauche bourgeoise. Gauche bourgeoise, c'est presque un pléonasme aujourd'hui en France, parce que de toute façon, toute la bourgeoisie est de gauche et toute la gauche est bourgeoise. Ouais, c'est exactement la même chose. Donc ces gens-là, pourquoi ils ont un tel mépris des idées identitaires, etc. C'est parce que profondément, ils disent non, mais ces gens, ils veulent nous ramener vers la terre, vers la boue, le fumier, la province. Vous vous rendez compte ? C'est ça dans leur imaginaire. Dans la province, mais vous ne rendez pas la province, vous êtes dingue, quoi. Non, moi au quotidien, moi je suis inséré dans l'économie mondiale, voilà, et effectivement, vous regardez leur mode de consommation, où ils vont passer leurs vacances, comment ils gagnent leur vie, etc. C'est des gens qui sont complètement déracinés, cosmopolites. Ah, complètement. Voilà, donc forcément, c'est ça, leur conception, leur vision du monde, leur ressenti, leur réaction traduit un mode de vie qui les pénètre complètement, d'accord ? Donc, c'est pour ça aussi qu'ils aiment tellement l'immigration, c'est parce qu'ils se reconnaissent dans les déracinés qu'ils sont eux-mêmes. C'est-à-dire que finalement, un Libyen ou un Somalien qu'on va arracher à son pays, enfin, qui a bien voulu partir de chez lui, je veux dire, mais qui va parvenir sur nos rivages et qu'on va implanter de force, mais qui va être là au milieu de cette grande ville, je sais pas, Montpellier ou Bordeaux ou Paris, bon, il va se sentir quand même paumé par rapport à ça. Et il va le bourgeois français, le nouveau bourgeois français de gauche, va s'identifier à cette perte de repères. Et il trouve ça cool, parce qu'il va dire, ouais, mais moi, ça m'a réussi, moi. Moi, ça m'a réussi. J'aime bien être désarçonné dans un environnement que je connais pas. Ça leur parle, quoi. Ils ont l'impression d'être aliénés par les liens communautaire, vous voyez, par les liens d'appartenance. Ça, pour eux, c'est une entrave. Et donc, ils estiment et ils veulent voir dans le migrant un alter ego, mais qui n'existe pas. Le migrant, lui, et c'est très drôle, c'est que même déraciné, il reste un enraciné. Il se reporte tout de suite, tu disais très bien, on essaie de... Premier réflexe, on garde le contact par Internet avec le bled. Hein, voilà, on consomme. Ah ça, moi j'ai vu chez tous les élèves étrangers chez qui j'ai été. Ah bah, évidemment. Toujours la télé satellite pour avec le pays. Ça m'a toujours frappé ça. Je l'invente pas, hein. Je dis pas ça. Justement, c'est parce que j'ai vécu ça. Bien sûr, mais non, mais absolument. C'est ça qui est très drôle, c'est-à-dire que même quand on déracine, je parle de jugement de valeur, mais dès qu'on déracine un Africain, alors il devient en partie déraciné parce que il est quand même baigné dans cette société dégénérée occidentale. Donc il va claquer son pognon dans des Nike, etc. Donc c'est sûr. Mais il y a quand même quelque chose d'irréductible chez lui. Et surtout, il y a un phénomène grégaire, communautaire chez lui qui n'est pas réductible. Et qui d'ailleurs méduse complètement les élites françaises qui sont là, mais on ne comprend pas. Comment ça se fait qu'ils ne deviennent pas des gens comme nous, des cadres du tertiaire? C'est bizarre, comment ça se fait? Puis pourquoi ils nous font chier avec leur religion, vous voyez? Eh bien, parce que c'est irréductible. C'est irréductible. Tout n'est pas réductible à tout. Voilà. Voilà. L'humanité, si tant est qu'on peut parfois parler d'humanité, enfin, il y a des spécificités qu'on ne peut pas effacer. Et ces gens-là ne peuvent pas le comprendre. Eux, ce sont des ce sont des individualistes achevés qui ne peuvent pas comprendre la communauté. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne le comprennent pas, et les musulmans leur crient à la face, ils ne le comprennent toujours pas, les musulmans deviennent de plus en plus violents pour leur expliquer. Okay, on les fait venir, ils viennent là, ils pratiquent leur religion, on leur dit tu peux pas pratiquer. Ils deviennent de plus en plus agressifs, et les mecs disent oui, mais c'est de la faute de l'extrême droite. Non. Donc c'est un naufrage complet, et Macron arrive là et dit ah bah écoutez, donc constatant le naufrage, hein, comme tu l'as bien dit, il dit bah oui, notre politique d'intégration elle est absurde. Ah bon, ça fait c'est extraordinaire. Ça fait un demi-siècle qu'on l'amène, quand même. C'est bizarre, bon, le chef de l'État dit que c'est absurde. Bon, d'accord. J'ai une solution. Ah, quelle est-elle? On va faire la même, mais dans les campagnes. Vous allez voir, c'est miraculeux. Bon, t'as compris ce qui va se passer. Donc t'auras tous les problèmes des grands centres urbains, mais dans des villages de 2000 habitants. Alors là, bon, là, c'est là. Donc bon, c'est la fin, non seulement d'une classe sociale, donc la bourgeoisie française, c'est la fin d'une culture, c'est la fin d'une civilisation, c'est la fin d'un pays. Donc de cela va accoucher autre chose, d'accord? Je dis pas que pour les blancs c'est fini, hein. Il y aura des blancs, donc il va y avoir des violences, des tensions, des conflits. Dont probablement on n'a même pas idée, donc quelque chose d'autre va arriver, mais tout ce qu'on a connu est en train d'être détruit par cette bourgeoisie complètement stupide, aveugle, fanatique, bornée. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, quoi. Et comme il n'y a plus la force dans les masses pour renverser cette bourgeoisie idiote et obtuse, eh bien elle va imposer beaucoup de souffrance encore à la population. C'est que comme on n'a pas... Ah, c'est certain. Voilà, c'est comme on n'a pas à temps su renverser cette bourgeoisie, renverser ces élites dirigeantes, dont Macron est une petite expression, mais qui représente un consensus beaucoup plus large. Mais comme on n'a pas su renverser cette couche dirigeante, elle va aller jusqu'au bout et elle va imposer beaucoup de misère, à la fois aux autochtones, principalement, bien sûr, mais même aux immigrés, parce que comme on ne les renvoie pas, comme on les laisse venir, comme on, même parfois on les encourage, on leur donne des titres de visa, etc., qu'on fait preuve de faiblesse volontairement ou involontairement, ça dépend. Voilà. On les plonge aussi dans des situations inextricables, c'est-à-dire que eux, étant ce qu'ils sont, vont continuer à être ce qu'ils sont. Vous pouvez pas reprocher, peu importe l'animal, mais ça peut être un piranha ou un loup, d'être un loup. Vous pouvez pas reprocher la nature de quelque chose, sa nature. C'est à vous d'être conscient de sa nature et de réagir en conséquence. Or, c'est pas ce qui se passe. Voilà notre situation aujourd'hui. Puis surtout, vous remarquerez que à aucun moment Macron dit bon. Avant de ventiler ces gens dans les villages, dans toute la France, on va interroger le peuple français. Ah non, absolument pas. Ça, c'est quelque chose, ça les effleure même pas. Ça, je veux dire. Ah oui, non, c'est pas du tout. Mais si, enfin, je pense que, évidemment, non, t'as raison. Mais oui, surtout pour eux, les démocrates. Mais je pense qu'il y a aussi la volonté de punir les gens qui ont voté au Rassemblement National. Enfin, bon, ici, on sait quoi en penser du Rassemblement National de Marine Le Pen, mais. Je veux dire, les gens, ils votent ça par dépit, parce qu'il n'y a rien d'autre. Et il est évident que quand ils s'adressent au monde rural, l'objectif est de sanctionner, hein, et de faire peur, notamment aux élus, qui pourraient être tentés par un rapprochement avec le Rassemblement National. Quand il dit « je vais fermer une école parce que vous n'aurez pas accepté d'immigrer », ça veut dire ce que ça veut dire. Qui c'est qui est à la tête du ministère de l'Éducation nationale? C'est Papa Ndiaye, le nègre wokiste, le mulâtre wokiste, je veux dire, qui est un fanatique. Voilà, il peut être là avec son air mi-figue, mi-raisin, ouais, ça trompe que les naïfs. C'est un radical. Les radicaux sont au pouvoir, ok? Donc, et pourquoi c'est important quand on menace de fermer une école? Mais si vous fermez une école dans un village, mais les jeunes couples n'y viennent plus. C'est aussi simple que ça. Pourquoi voulez-vous qu'un jeune couple, quand il en reste encore, qui veulent faire des enfants, blancs, hein, bien sûr, pourquoi voulez-vous qu'il s'installe dans un village alors qu'il faudra faire 5, 10 kilomètres pour aller à l'école maternelle ou primaire? C'est pas possible, d'accord? Ils vont pas rester là. Donc Macron utilise cyniquement l'arme de l'accès à l'éducation. Alors vous allez dire, c'est pas un mal, parce que quand on voit ce qu'il diffuse dans l'éducation publique, franchement, c'est pas forcément un mal. Mais bon, vous voyez pour les couples du quotidien quelle menace ça représente. Donc il y a beaucoup de couples qui vont dire, les couples, eux, s'adaptent, si vous voulez. C'est-à-dire que s'ils voient un village qui n'a pas d'école, ils ne vont pas y aller. Les mères, le sachant, se retrouvent devant ce dilemme. Qu'est-ce que je fais ? J'accepte ce flot d'immigration parce qu'on va leur faire miroiter. On va leur dire, ne vous en faites pas. Oh là là ! Vous allez voir, on va vous aider. Et à Calac, je peux vous en parler parce que j'ai mes informations. À Calac, ils ont déjà accepté quelques familles d'allogènes. Il y en a 5 dans le village, je crois, qui sont scolarisés. Mais est-ce que vous savez qu'ils sont scolarisés à part ? Ils ont une équipe, entre guillemets, pédagogique rien que pour eux. Ils ont pratiquement un adulte à temps plein pour chaque halogène, avec un traducteur. C'est ce niveau de folie que ça atteint. C'est-à-dire que vous avez des petits blancs, je ne sais pas, ils sont peut-être 30, ils ont un prof, les autres, ils en ont un par tête. Vous vous rendez compte du coup que ça représente ? Ce qu'ils veulent, c'est que derrière... Les médias, ils passent, ils interrogent les familles et ils raconteront aux Blancs que bah, vous voyez, ça se passe bien. Donc, ce projet pilote, on va l'étendre dans le reste du territoire. Et en plus, dans le reste du territoire, à l'époque, il y avait l'accueil des réfugiés. Je sais pas si vous vous souvenez, les Syriens, les Afghans, etc. Il y a déjà toutes les structures d'accueil qui sont prêtes pour étendre... Ah oui, oui. Le projet qui se déroule à Calac, donc tout est en place en fait, voilà. Ah bah à Calac c'est vraiment pas mal. T'as le maire qui est là, qui est une espèce d'ahuri, il a plus de 70 ans, il sucre les frais, on va accueillir, bon lui il va je pense pas qu'il va vivre très vieux parce que bon il est quand même très très avancé dans l'âge, mais il y a une hystérique derrière lui. Qui est une femme blanche qui est complètement folle, quoi, qui est là, il faut accueillir. On a affaire à des religieux. C'est un dogme. L'immigration totale est un dogme. Ils voulaient mettre dans les dents. Le pape Ndiaye, il est là en train de superviser le truc, croyez-moi bien, qui pousse à la roue. C'est la submersion totale. Voilà, bon. Cette classe bourgeoise adhère à ce projet. Ils y adhèrent. Si les gens ne se révoltent pas, dans les communes pauvres, rurales, périurbaines, s'ils ne se révoltent pas, ils seront complètement enterrés sous les flots de musulmans, de nègres, d'aller savoir tout ce qu'ils vont faire venir, parce que là, alors, ils n'ont que l'embarras du choix. Voilà, donc voilà, le sujet, il est posé. Hein, voilà. Et Macron s'en enthousiasme, voilà. Donc, on termine là-dessus avant de passer à la suite. Mais évidemment, il n'y a pas de complot. C'est mis sous le nez des gens. Alors, pour le coup, Macron, il est réglo. Hein. Là, on ne peut pas dire que c'est... Il botte en touche. Hein. Là, il met clairement le projet en face des gens. Il dit, non, mais je vous les amène tout de suite, là. Ils vont arriver dans votre village. Ah, ok, d'accord. Ah ben, il nous annonce derrière son pupitre « Je vais vous génocider. Les Blancs, vous allez disparaître d'Europe de l'Ouest. » Mais lui, il s'en fout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, cette bourgeoisie-là n'a pas de conception raciale de lien du sang. Il ne s'en sent pas tenu par un principe de loyauté vis-à-vis de Blancs pauvres. Il n'a pas cette conception. Il a une conception fondée sur l'intérêt, l'argent, la domination de classe, exclusivement. Donc pour lui... Macron, il est solidaire, si déjà solidaire de quelqu'un, peut-être un petit peu de Brigitte, peut-être un peu, quelques amis autour, et pas beaucoup plus, mais de toute façon solidaire d'une caste, pas du tout solidaire du petit peuple blanc, mais absolument pas, je veux dire, c'est je pense que si on lui parlait de ça, il se dit, de quoi ces gens me parlent ? Il se dirait, mais qu'est-ce que c'est ? Oui, ce sont les chimpanzés du futur. Exactement. Les chimpanzés. Et on l'avait vu en 2002, toutes les phrases méprisantes contre les gens qui avaient voté Le Pen, les racornis dans leur petit pavillon de banlieue. Enfin, j'avais noté ça dans mon bouquin, tout un florilège de bobos qui vraiment avaient une haine. Et vous savez, c'est leur fameux le camembert avec une croix gammée dessus et puis marqué la France qui pue. Pour eux, c'est ça. C'est la France qui pue. C'est la France qui marche dans la boue, c'est la France qui est dans ses petits pavillons de banlieue, une haine absolue. Oui, mais leur France à eux n'est pas plus enthousiasmante, elle ne sent pas meilleure, c'est ça le problème. Non, mais elle est désodorisée, quoi. Ça sent. Je veux dire, par-dessous, ça pue. Enfin, je veux dire, ouais. ça pue, c'est... Ouais, et elle est bruyante. Ouais, ça sent le déodorant dans les chiottes, quoi. Ouais, je veux bien croire, ouais, effectivement, quand on va chez Macron, quoi. Voilà. Mais foutez-lui des nègres à l'Élysée, là, pour voir. Là, le généreux. Macron, le généreux. Écoute-moi. Ouvre tes portes. Ouais, c'était ce qu'avait dit Le Pen à Georges Marché à l'époque. Il avait, lors d'un débat Le Pen-Marché, Marché qui était le responsable du Parti communiste, hein, je dis ça pour les jeunes, il avait sorti la liste des propriétaires ou locataires dans son immeuble. Il a dit, tiens, pas un immigré chez vous, monsieur Marché, comment ça se fait? Ah, j'avais trouvé ce coup excellent, excellent. Je me rappelle encore, 35 ans après. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr, c'est évident. Toute l'histoire le démontre, elles n'ont pas la même capacité, ni le même niveau d'évolution historique. Chers amis, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de notre émission. Ça va être musclé, on va parler d'Italie. Et bienvenue au Grimoire de Merlin, l'émission qui fait trembler les youpins. Alors j'espère que vous allez bien, mes petits goyes, et que vous avez apprécié ma toute nouvelle intro, hein. Et donc, nous allons partir pour une nouvelle leçon d'érudition démonique, hébraïque, hein. Je pense même que l'on peut parler d'hébraïque fantasy, notamment lorsque l'on voit cette nouvelle série Amazon basée sur le Seigneur des Anneaux, hein. Bon, vous avez compris. Dans ces cas-là, je sors immédiatement mon grimoire pour vous donner une nouvelle petite leçon fort utile. Alors, il est vrai que l'hébraïque fantasy regorge d'imagination, regorge de créatures en tout genre. Eh bien, je vais vous parler de Louis Lazare Zamenhof. Il s'agit du juif qui a créé la langue espéranto à travers son ouvrage intitulé « Langue internationale » publié le 26 juillet 1887. Et donc, comme le nom de l'ouvrage l'indique, l'espéranto, créé par ce juif, car il n'y a qu'un juif pour créer, conceptualiser une chose pareille, cette langue avait pour vocation de devenir la langue universelle. Une langue sans frontières, sans nation, une langue globale, mondiale, une langue pour les dominer tous. Il n'y a qu'un juif pour créer quelque chose pareil. Avec les juifs, tout est sans frontières, vous aurez remarqué, tout doit être global. Et maintenant, sans plus attendre, je vais vous citer un petit passage d'un autre ouvrage qu'il a écrit en 1905, intitulé « Fondation de l'espéranto ». Les hommes sont égaux, ce sont des créatures de la même espèce. Ils ont tous un cœur, un cerveau, des organes, un idéal et des besoins. Seule la langue et la nationalité les différencient. Si je n'étais pas un juif du ghetto, l'idée d'unir l'humanité ne m'aurait pas effleuré l'esprit, ou bien ne m'aurait pas obsédé pendant toute ma vie. Personne ne peut ressentir la nécessité d'une langue humainement neutre et anationale, aussi forte qu'un juif qui a des compagnons de souffrance sur toute la terre avec lesquels il ne peut se comprendre. Ma judaïté a été la cause principale pour laquelle, dès la plus tendre enfance, je me suis voué à une idée et à un rêve essentiel, au rêve d'unir l'humanité. Et bien voilà, donc là je dirais que nous sommes sur un cas d'école de Tikkun Olam, c'est-à-dire d'une tentative de réparation du monde typiquement juive. C'est-à-dire que le juif veut réparer le monde, veut réparer toute l'humanité en réalité. Selon lui, la planète, enfin, disons, l'humanité est mal foutue. Il y a des goyes par-ci, des goyes par-là, de toutes les couleurs, il y a des nations. Les nations rendent les gens méchants. Et le juif, au milieu de tout ça, cet être errant, veut supprimer tout ça, unir tout le monde, à son avantage, évidemment, à son profit. Vu que le juif est errant, il doit s'incruster dans les nations sans se faire remarquer. Il doit les ponctionner, les parasiter, vous voyez. Donc si vous supprimez les nations, il n'y a plus de nationalisme et plus de volonté collective de défendre un territoire donné contre des rats, vous voyez. Tout cela sert à diluer l'humanité, c'est-à-dire à détruire l'intégralité de ses spécificités. À partir de là, l'homme, l'être humain, devient une pâte à modeler, que tu peux sculpter d'un bout à l'autre de la planète. Et celui qui sculpte, c'est le juif. Ça s'appelle le principe du Tikkun Olam. Et je ponctuerai cet épisode avec une citation de Paul Wolfowitz, donc qui est un homme politique américain et qui fut un temps directeur de la Banque mondiale. La Banque mondiale. Il a dû démissionner à cause d'une affaire de népotisme d'ailleurs, ce qui est intéressant pour un juif. Hein, l'art de se coopter entre soi, entre juifs. Très bien. Et en novembre 2005, depuis son poste de directeur de la Banque mondiale, il a encouragé la Russie à ouvrir ses frontières. Voici ce qu'il dit. L'immigration est l'une des principales conditions d'une croissance économique stable en Russie. La population du pays est vieillissante et déclinante. Pour pleinement compenser la dépopulation, un flux annuel d'1 million d'immigrants employables serait nécessaire. Et donc là, vous comprenez, aujourd'hui nous sommes dans le ton, hein, c'est-à-dire qu'avec la guerre actuelle, voilà, faut que la Russie se soumette à un moment donné, et voilà, devinez ce qui va se passer ensuite. Hein, donc bon, voilà, les immigrés, les enfants pédés, bref, la tyrannie juive, enfin, la démocratie du coup, voilà. Et bien sur ce, je vous laisse ruminer sur cette petite leçon supplémentaire de mon cru, et je vous dis à la prochaine, et d'ici là, gardez la pêche! La banane surtout, oui. Alors messieurs, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le sale juif de la semaine. Hein, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, c'est pas le genre de l'émission. Faut attaquer bille en tête. Alors le sale juif de la semaine, c'est André Berkoff. André Berkoff. Je personnellement n'en peux plus de ce juif. Je n'en peux plus de ce juif, ok. Qui joue un rôle de Bon, on va y revenir, hein, mais parce que sinon, voilà. Mais bon, il a une fonction, hein, dans le dispositif social en France, pour bien contrôler le discours ambiant. Parmi certains segments de la population qui sont tentés par une position, on va dire, réactionnaire, hein, de lassitude par rapport à toute une série de phénomènes, notamment l'immigration. Voilà, enfin, ils ont, à Sud Radio, adopté une stratégie qui est une stratégie un petit peu d'opposition contrôlée, c'est-à-dire on occupe un segment, mais Berkoff, c'est juste pas possible. Alors, au cas où vous ne sauriez pas, Berkoff est juif, ok, pour commencer. Et alors, cette semaine, il a cru utile de s'illustrer sur Twitter en donnant du poids à l'opération de désinformation israélienne en Iran. À propos du voile. Parce que vous savez qu'il y a... Alors, c'est totalement faux, l'histoire de départ, là. Comme quoi, il y aurait une Iranienne qui aurait été assassinée par la police religieuse iranienne, machin. C'est complètement faux. C'est totalement bidon. Assassinée, soi-disant, parce qu'elle aurait enlevé son voile, c'est totalement faux. Les autorités iraniennes ont diffusé elles-mêmes les extraits de vidéos de vidéosurveillance qui montre qu'elle fait effectivement un malaise. Elle était en train de se défoncer dans une soirée, en fait, à la dope, en fait. Parce que, là aussi, contrairement à une idée reçue, en fait, la dope circule énormément en Iran. Hein. Y a beaucoup d'idées reçues sur l'Iran. Les gens ont l'impression que c'est une espèce d'Arabie Saoudite bis. C'est pas du tout comme ça que ça marche en Iran. Hein. C'est un vrai problème, d'ailleurs, pour le gouvernement iranien. Hein. La consommation de drogue est un vrai problème pour la jeunesse iranienne. C'est dramatique, la CAM venant d'Afghanistan, avec lequel l'Iran a une frontière. Donc, si on devait parler d'une seule chose à propos de ce qui s'est passé par rapport à cette mort, c'est uniquement du fait que la consommation de drogue est endémique en Iran, que les autorités iraniennes, bien que sur le papier y étant opposées, n'arrivent pas à faire face à ce fléau. C'est ça qu'il faut retenir. Ça n'a rien à voir avec des conceptions religieuses. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. D'autant que les femmes iraniennes, on le sait, portent le voile comme elles le veulent, entre nous soit dit. C'est-à-dire qu'en fait, elles mettent le voile de manière stricte quand il y a un flic un peu au loin, un peu comme les gens en France, ils ralentissent quand ils voient plus ou moins une voiture de gendarmerie au coin d'un feu rouge. Vous voyez, c'est à peu près ça. Hein, c'est à peu près ça. Hein. Donc, vous avez les jeunes qui se rassemblent régulièrement un peu partout en Iran pour écouter de la musique d'ailleurs occidentale, etc. Les autorités n'interviennent pas. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées reçues sur l'Iran, et ça n'est certainement pas le régime ultra répressif qu'on présente. Témoigner. Oui, tu vas le faire, Vincent. Et comment dire, régulièrement, vous avez des agitateurs en Iran qui sont connectés à des services secrets étrangers, à des intérêts étrangers et à la diaspora iranienne qui est située à l'étranger, qui veulent se débarrasser du gouvernement iranien, mais pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec des conceptions religieuses. Ça n'a rien à voir, c'est des luttes de pouvoir. C'est tellement grotesque d'ailleurs que la principale opposante au régime actuel en Iran a manifesté sa solidarité sur Twitter avec la fameuse victime alléguée de ces violences, alors que c'est pas du tout ça, en portant le voile. C'est vous dire le grotesque. C'est-à-dire que la principale figure d'opposition iranienne à l'étranger, soutenue par la CIA, c'est une créature de la CIA, prend la parole en disant « Mon Dieu, c'est horrible, elle a été tuée parce qu'elle refusait de porter le voile, alors qu'elle a le voile. Bah, » On a envie de lui dire « Si vous ne croyez pas vous-même au port du voile, pourquoi vous le portez vous-même » Qu'est-ce qu'elle va répondre ?« Ah, oui, non, mais parce que moi, personnellement... » Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, elle sait très bien que si elle veut un minimum de crédit vis-à-vis du peuple iranien, c'est-à-dire que si elle, comme elle aspire à un coup d'État, parce que c'est ni plus ni moins que ça, comme elle aspire à ni moins qu'à un coup d'État, il faudrait qu'une fois à Téhéran, elle ait un minimum d'appui populaire. La société iranienne veut qu'une femme soit voilée. D'accord ? Donc, ce que nous dépeignent là les médias contrôlés par les intérêts pro-israéliens, nous présenterons une société complète, une société civile iranienne ne voulant pas du tout porter le voile, en guerre contre le voile, etc., ça commencerait par des figures d'opposition présentes en Occident qui ne portent pas le voile, tout simplement. Hein, ils diraient, nous, on ne porte pas le voile, ça ne nous intéresse pas, la société iranienne n'en veut plus. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas, hein, ce n'est pas du tout le cas. Donc tout ça est du théâtre, et ce n'est pas la première fois. C'était en 2018, moi je vous invite à regarder le compte Twitter de Bernard-Henri Lévy, parce qu'on ne se trompe jamais au moins avec lui, en 2018, il était déjà en train d'appuyer des manifestations anti-voile de groupes de nanas excités contre le voile islamique. Alors la question pour nous, Européens, c'est pas d'être pour ou contre le voile, encore que si vous regardez n'importe quelle gravure du Moyen-Âge, vous constaterez que les femmes européennes portaient l'équivalent d'un voile ou se couvraient la tête. Hein. Donc voilà, bon. Les gens diront peut-être qu'à l'époque, c'était une époque de barbares et de sauvages. Moi, je ne sais pas. Chacun regarde l'histoire européenne comme il le veut. Mais enfin, bon. Il y avait déjà ce genre de manifestations gonflées à bloc sur les réseaux sociaux occidentaux. Et il y a un hashtag pour ça. C'est White Wednesday. Donc, ça veut dire les mercredis blancs. D'accord ? Donc, vous savez, c'est les révolutions de couleur. Les révolutions de couleur, ça marche avec des slogans qu'on peut répéter facilement. Bon, en Iran, c'est White Wednesday. White Wednesday, c'est le jour où on ne porte pas le voile. Donc, en fait, les Juifs essayent d'exciter les femmes iraniennes contre les hommes iraniens en leur disant « ne portez pas le voile » et grâce aux réseaux sociaux, essayent de les mobiliser, si vous voulez. D'accord ? C'est 2018, ça. Et moi, j'ai regardé les profils des principales agitatrices sur les réseaux sociaux. Elles ne vivent pas en Iran. Elles sont aux États-Unis. Et je vais y revenir, mais certaines sont directement liées à Israël, personnellement, d'accord ? Donc, et elles utilisent ce hashtag qui est dans leur description biographique. Donc, je veux dire, c'est une manipulation, d'accord ? Donc, oui, évidemment, il y a des femmes qui en ont marre de la pesanteur d'une certaine société patriarcale en Iran. Mais on connaît ça, on l'a vécu en 1968. D'accord ? Donc, c'est pas nouveau. C'est ce qui se passe là-bas. Voilà. C'est le même problème. On a vu les conséquences de mai 68. on les expérimente encore aujourd'hui. Et on voit, comme en mai 68, qui a été une journée juive par excellence, avec tous les leaders trotsko-anarchistes, à commencer par Cohn-Bendit et les autres, on les voit encore en action en Iran. C'est eux qui poussent à la roue. Donc, il ne faut pas se tromper. Hein, voilà. Alors, Berkov, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il s'enthousiasme pour cette non-révolution, parce qu'en gros, c'est quelques bourgeoises qui s'excitent parce qu'elles veulent pouvoir consommer librement en dehors de tout contrôle des hommes. Et alors, il retweet une gonzesse qui chante « Bella Ciao » en perse. Et il dit ceci, « Grandeur de ces femmes, bassesse de leurs bourreaux. » Donc, Berkov, le juif du Liban. D'ailleurs, sur le même ton que Golnadel, bon, faut jamais chercher très loin, une pomme tombe jamais très loin de l'arbre, hein, nous dit que, oh là, l'Iran, c'est le pays des bourreaux, il faut libérer les femmes iraniennes. Ça me rappelle le moment où il fallait libérer les femmes afghanes aussi. C'est toujours les mêmes arguments, hein, avec les juifs. Et alors, c'est du Bella Ciao. Alors, Bella Ciao, c'est un chant communiste italien antifasciste qui a été popularisé en 1944. Et on va parler de la démocratie italienne consécutive à 1944-45, après la chute de Mussolini. Donc là, si vous voulez, Berkov, la soi-disant grande gueule de la droite populiste sur Sud Radio, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'une traînée iranienne à la botte des intérêts juifs qui chante un chant communiste antifasciste, représente les idées fondamentales de la droite. Ben moi, j'appelle ça de la subversion juive. Et j'en termine là-dessus, parce que je ne veux pas non plus m'étendre de trop, mais qu'est-ce qu'il fait Berkov dans chacune de ses émissions, pour son public ? C'est quoi le jingle ? C'est... Les Français parlent aux Français. Vous voyez, l'imaginaire qui est convoqué pour le public, c'est Radio Londres. C'est De Gaulle et ses Juifs. C'est la démocratie combattante pour remettre au pouvoir les Juifs en France. Vous voyez, c'est ça son jingle. Hein, je n'aime pas la blanquette de veau. Vous voyez, et les beaufs de 65 ans doivent adorer ce genre de truc. Mais vous voyez, c'est ça le truc. Donc en fait, ce qu'il nous propose, c'est de refaire ce qu'on a connu en France et ce que ça a amené en France en Iran. Ben, moi, je dis aux Iraniens, non, surtout pas, à aucun moment. Surtout pas, faites pas ça. Sinon, vous allez terminer avec les Juifs au pouvoir et des nègres dans Téhéran. C'est ce qui va arriver. On aurait dit ça en 1945. Ah, vous allez laisser les Juifs gagner ? Très bien, alors vous aurez des nègres à Paris. Les mecs vous ont regardé avec des yeux comme des soucoupes en disant, mais de quoi il cause ce fou là ? On est en 2022, Paris est une ville nègre, gouvernée par les Juifs. Donc si en Iran, les youpins comme Berkov, les youpins comme Golnadel, les youpins comme Glucksmann, les youpins comme Bernard-Henri Lévy et consorts ont le dernier mot, dans 50 ans, Téhéran, c'est une ville de nègres, contrôlée par Israël. Ni plus, ni moins. Voilà. D'accord ? Donc si c'est ça... Les gens qui font autorité à droite en France, s'il vous plaît, démantelez ce pays, fermez toutes les radios, hein, et qu'on en termine. Et je dirais même plus, je vais même aller un cran au-delà, quitte à finir musulman, autant que ça soit contrôlé par Téhéran. Moi, je préfère être contrôlé par Téhéran, au moins les Juifs seront très loin de chez moi, voyez ? Parce que les Iraniens, au moins, respectent la culture européenne, quand même. Ce que peut-être beaucoup de gens ignorent. Voyez, c'est le respect des anciennes cultures pour d'autres anciennes cultures. En plus, il y a une matrice commune, hein, indo-européenne, comme on sait. Donc voilà, moi je préfère de beaucoup être gouverné par des Perses indo-européens, s'il fallait choisir, bon, c'est pas l'alternative que je propose, mais je préfère de beaucoup à des sémites ultra-agressifs qui me négrifient. Et d'ailleurs qui m'islamisent aussi, hein, parce que bon, voilà, faut pas non plus raconter trop de conneries. Quoi. Voilà. Donc voilà, donc le si vous voulez, là, le Berkov, là, cette semaine, c'est trop, là. Bella Ciao, de toute façon, est un chant de crasse, de punk à chien, fini à la pisse, qui se douche à l'urine de vache, d'accord ? C'est un chant pour des gens comme ça. Dès qu'on entend ce chant, je dis, moi, Allah Akbar. Je peux pas, quoi. Voilà. C'était mon coup de gueule, voilà. C'était mon coup de gueule. Bella Ciao, non. Et le dernier enculé qui chante Bella Ciao en ma présence, ça se passe physiquement très très mal. Voilà. Qui veut réagir là-dessus? Eh bien, moi, je vais essayer de rebondir sur ton analyse et la renforcer sur un aspect, c'est l'aspect israélien dans cette question, pour pas qu'on puisse nous accuser de complotisme, bien sûr. Et je reviendrai sur une question géopolitique, c'est-à-dire que l'Iran, depuis 2015, est rentré dans une série de négociations, d'accords sur le nucléaire civil, pas militaire mais civil, pour en fait pouvoir développer le nucléaire civil, ce qui enrage Israël depuis le début, qui dit, voilà, ils vont avoir la bombe nucléaire. Alors là, je vous renvoie à des schémas brillamment montrés par Netanyahou, à l'ONU, je crois, où ça représentait une bombe dessinée par un enfant avec 80% rempli en disant « Ah, voilà où on est aujourd'hui ». Donc, en termes de preuves, c'était un peu limite. Mais bref, cet accord, donc qui a été signé en 2015, a été arrêté par Trump pour satisfaire ses meilleurs alliés en 2018. À la place, il a voulu mettre davantage de sanctions pour contraindre l'Iran à se ranger du côté d'Israël. Bon. En 2020, Biden avait annoncé qu'il retournerait sur cet accord. Mais il faut bien comprendre que Blinken, celui qui dirige en fait l'administration, et pas Biden, qui est juif, Blinken, pas Biden bien sûr, il a mis en avant de nouvelles contraintes. Il a dit oui, on va y retourner, mais l'Iran doit montrer qu'ils ne veulent pas de nucléaire militaire. Alors que l'Iran a dit non, mais nous, on reviendra à l'accord de base, pure et simple. Et donc, depuis 2 ans, c'est une affaire qui traîne, et l'Iran, pour montrer que il n'allait pas se soumettre à Israël, a commencé à accumuler de l'uranium enrichi pour dire, voilà, un jour, on aura le potentiel de faire une bombe atomique. Durant toutes ces années, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de petits événements, des attentats israéliens contre des ingénieurs du nucléaire iranien, et plus récemment, il y a 2 choses qui ont attiré mon attention. La première chose, c'est que Israël pousse l'Azerbaïdjan à s'opposer à l'Iran. C'est-à-dire qu'elle a 70% des armes de l'Azerbaïdjan proviennent d'Israël, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut savoir qu'il y a une très très très forte minorité azérie en Iran, que l'Azerbaïdjan pousse à prendre son indépendance, ce qui retrancherait une partie du territoire de l'Iran. Et l'autre point, c'est que toujours sur ces manifestations, le 6 septembre, je crois, de cette année, il y avait eu un rapport de Amnesty qui faisait état de 2 LGBT iraniennes qui allaient être exécutées. Le motif de l'exécution était d'avoir répandu la corruption sur Terre. Motif que peut-être on pourrait s'inspirer dans le futur, hein, pour régler le problème LGBT. Ça, c'est des pistes, hein, voilà. Et donc ça, par contre, ça avait pas vraiment ému dans la population iranienne pour pousser justement aux manifestations qu'on voit aujourd'hui. Et le dernier point que j'aimerais pointer du doigt, justement, c'est que, me semble-t-il, c'est beaucoup des Kurdes d'Iran, que la femme qu'ils ont présentée comme s'est en fait tabassée, etc., était une Kurde. Il faut savoir que les Kurdes, c'est une autre minorité dans l'Iran, et que c'est une stratégie assez souvent utilisée, c'est-à-dire d'utiliser les minorités, donc comme je l'ai dit, azéries et kurdes, pour affaiblir l'État central. Donc je pense, en définitive, que oui, Israël et l'Occident de manière générale poussent à contraindre l'Iran, voire à le faire s'effondrer sur lui-même par une révolution de couleur. Avant de donner la parole à Vincent, moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais il faut donner les faits. C'est-à-dire que ce nouvel épisode d'astroturfing sur les réseaux sociaux, sur le voile en Iran, je veux dire, reportez-vous aux réseaux sociaux, dans les archives, vous les trouverez. Ne tombe pas par hasard, puisque vous savez que cette semaine, tous les dirigeants internationaux sont conviés à l'ONU pour prendre la parole. Et tu as cité le cas de Netanyahou, quand il avait présenté sa petite pancarte à l'ONU en disant « Attention, le programme iranien est très avancé, ils en sont à X% c'est imminent. Donc ça, c'était peut-être il y a sept ou six ans. Et il disait, voilà, les Iraniens, l'année prochaine, ont la bombe nucléaire. Bon, 7 ans plus tard, ils n'ont toujours pas la bombe nucléaire. Et les Juifs nous disent toujours, ouais, ils ont la bombe nucléaire l'année prochaine, voilà. Mais les Juifs auraient tort de se priver, puisque les cons de Goïm en Occident sont tellement abrutis qu'ils continuent d'avaler ça chaque année qui passe. Alors, il y a un papier de France 24 qui est tombé, qui résume le truc. Donc, vraiment, les Juifs ont bien choisi leur moment, c'est-à-dire qu'ils ont bien préparé l'opinion publique occidentale, parce que c'est ça l'objectif. C'est-à-dire, c'est d'enflammer les réseaux sociaux occidentaux avec des images venant d'Iran pour donner une mauvaise image de l'Iran au moment de ces négociations sur le nucléaire iranien, pour renforcer la position médiatique, politique et entre guillemets morale d'Israël. C'est une manipulation juive. France 24 nous dit ceci. Yair Lapid, le premier ministre israélien, a tenté de convaincre jeudi la communauté internationale réunie à l'ONU de faire usage de la force en cas d'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran. L'État hébreu tente depuis des mois d'empêcher le renouvellement de l'accord sur le programme nucléaire iranien de 2015, qui était un accord négocié par Barack Obama, annulé par Trump, comme tu l'as bien dit, sur exigence du lobby juif, auquel effectivement Trump était totalement soumis. Le Premier ministre israélien Yair Lapid a exhorté jeudi 22 septembre la communauté internationale réunie pour l'Assemblée générale de l'ONU à faire usage de la force. Si l'Iran développait l'arme nucléaire, il a réitéré son soutien à la création d'un État palestinien pacifique. Bon, ça, ça coûte rien. Israël, pacifique, ça veut dire pacifié, ça veut dire désarmé. Donc c'est comme si la France disait demain, enfin, en 1961, avait dit « Nous sommes pour une Algérie indépendante, mais à condition qu'ils n'ont pas d'armée et que l'armée française reste en position en Algérie. » Voilà, c'est à peu près ce niveau-là, quoi. Voilà, bon. Israël mène ces derniers mois une intense offensive diplomatique pour tenter de convaincre les États-Unis et les principales puissances européennes, Royaume-Uni, France, Allemagne, de ne pas renouveler l'accord sur le programme nucléaire iranien de 2015, dont l'administration Trump s'était désengagée. Depuis une dizaine de jours, différents responsables ont suggéré que l'accord pourrait ne pas être renouvelé avant au moins la mi-novembre, un délai que le Premier ministre israélien tente d'utiliser pour pousser les Occidentaux à imposer une approche plus dure dans leurs négociations. La seule manière d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire est de mettre une menace militaire crédible sur la table. Et là, et seulement là, il sera possible de négocier un accord plus long et plus solide avec eux, a déclaré Yair Lapid à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Il faut que cela soit clair pour l'Iran que s'il va de l'avant avec son programme nucléaire, le monde... Alors le monde, les Juifs... Oh, les Juifs... Le monde ne réagira pas avec des mots... mais usera de la force. Donc en gros, la clique de démocratie à la botte des Juifs, c'est-à-dire 4-5 pays, quoi. A ajouté Yair Lapid. Israël, qui considère l'Iran comme son ennemi numéro 1, reproche aussi à Téhéran de financer le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien, deux mouvements armés basés aux frontières de l'État hébreu. Voilà, voilà la véritable explication pour les naïfs, les gogos qui ne voient pas le réseau juif international en action, dont le Berkov est le représentant à Sud Radio, dont Glucksmann est le représentant au Parlement européen, dont le juif Lévy est le représentant itinérant, dont Golnadel est le représentant à CNews, pour ne citer que ça, au Figaro et ailleurs, etc. Enfin, toute la clique hébraïque qui contrôle les médias et l'appareil politique et diplomatique français. Ils s'activent tous au même moment. Qui ne le voit pas? Eh bien, beaucoup de gens ne le voient pas. Vincent. Oui. Alors, il y a deux choses là dans le sujet qu'on est en train de traiter. Il y a l'Iran en lui-même, puis il y a le programme nucléaire. Alors déjà, sur l'Iran, la dictature iranienne, etc., je peux donner mon propre témoignage parce que j'ai eu la chance d'aller en Iran. C'était en 2014, je crois. Oui, je pense, ou dans ces eaux-là. Et ce n'était pas un voyage organisé par l'État. Je n'étais pas dans un bus où on m'aurait fait voir des villages à la Potemkine, pas du tout. C'était invité par une association franco-iranienne qui n'avait aucun lien avec l'État. Donc j'ai pu me promener tranquillement dans les rues. Bon, j'avais quelqu'un avec moi parce que je ne parle pas leur langue, j'arrive pas à décrypter leur leur panneau. Donc bon, mais j'étais absolument libre de faire ce que je voulais. Enfin, il n'y avait pas de problème. Alors, ce que je peux dire, c'est que on m'avait parlé qu'il y avait des milices pour le respect des principes coraniques, et que voir des fois ces milices avaient des sacs avec du verre pilé dedans, s'ils trouvaient des femmes non voilées, ils les frappaient avec ces sacs, ils les défiguraient, etc. Je peux dire que je n'ai rien vu de tout ça, et comme en effet a dit Gandalf au début, il y avait des femmes dans toutes les administrations qui travaillaient, hein, il y avait même des femmes qui travaillaient à plus haut niveau, c'était pas les simples secrétaires. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, leur voile, en fait, il était jeté sur les cheveux. Il arrivait que des fois, on voyait la moitié de la chevelure et plus, hein, et personne ne disait rien. En gros, bon, bref, c'était vraiment pas, j'ai pas eu l'impression de voir un pays où vraiment il y avait là-dessus une règle très stricte, etc. Hein. Non, pas du tout. Les femmes se promenaient librement dans la rue, etc. Et alors, un soir d'ailleurs, j'étais dans, il devait être 10h du soir, mais pour eux c'est pas très tard, j'étais dans une rue et je vois un taxi piloté par une femme. Et j'étais assez surpris, j'ai demandé, j'ai dit, tiens, mais il y a des femmes qui conduisent des taxis. Ils m'ont dit oui, parce que dans notre pays, quand une femme veut prendre le taxi, elle a le droit de réclamer que le taxi soit conduit par une femme. Donc 24h sur 24, vous avez des femmes au volant de taxi, au cas où une femme veut être conduite par une femme et pas par un homme. Voilà, donc ça m'avait assez surpris, mais bon, je me dis, voilà, encore une fois, j'ai pas vu tout ça. Ça s'explique très bien, et je pense que la demande va se renforcer aussi en France, en raison des agressions sexuelles potentielles pouvant être commises par un chauffeur de taxi. Exactement. Et bien sûr, et donc la demande se comprend sous cet angle-là. Exactement, exactement. Hein, c'était sûrement l'explication, elle ne voulait pas être importunée par un homme, etc. Et voilà, donc des femmes conduisaient des taxis. J'ai vu des femmes dans énormément d'endroits, il n'y avait aucun problème. Et alors, un jour, j'étais dans une mosquée, une très belle mosquée d'ailleurs, parce que je voulais voir comment ça se passait. Et le gars m'a dit oui, bon, il m'a dit bon, je reste avec vous, parce que déjà, pour pas que vous fassiez d'impair, parce qu'il y a des salles qui ne sont autorisées que pour les croyants, où les femmes peuvent pas aller, et puis ni les non-croyants. Vous voyez bien que j'étais un Européen et que j'étais pas musulman. Donc il m'a dit, je vais rester avec vous pour ne pas vous fassiez d'impair, pour vous éviter les problèmes. Mais dans cette mosquée qui était très belle d'ailleurs, il y avait des salles où les enfants jouaient, où il y avait des familles qui mangeaient, il y avait des étudiants qui... J'ai vu des étudiants qui étudiaient la mathématique d'ailleurs, qui lisaient leurs livres, qui faisaient leurs leçons. J'ai vu que c'était des maths au niveau d'ailleurs. Bon, bref, et vraiment un calme, une ambiance apaisée... pas du tout de fanatisme, etc. J'ai même un soir assisté, il y avait une fête religieuse, j'y étais. Les familles arrivaient ensemble, c'était vraiment bon enfant. Pas du tout ce qu'on m'avait dit, ce qu'on m'avait laissé entrevoir. Donc ça, je l'ai vu de mes yeux. Et un soir, j'ai même assisté à une conférence, pas participé, mais sur la... Alors c'était en anglais, justement, c'était sur la religion musulmane. Il y avait un groupe, c'était... Dans une antichambre d'une mosquée, et à la fin je me suis levé, j'ai dit voilà, je voudrais poser une question parce que personnellement je suis chrétien et je voudrais savoir quelques renseignements supplémentaires sur l'islam. Et personne ne m'a fait la moindre réflexion, au contraire, les gens étaient très très honorés qu'il y ait un chrétien qui soit venu les écouter. Et à la fin, personne m'a dit bon, maintenant il va falloir te convertir, pas te... Non, absolument pas, je veux dire un respect total. Et encore une fois, j'étais pas là en tant que représentant d'un état, j'étais un j'étais quelqu'un moyen, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que quand on me parle de... Alors, je n'ai pas vu tout l'Iran, naturellement, mais quand on me parle de certaines choses, moi j'ai tendance à ne pas y croire. Hein. En tous les cas, c'est pas ce que j'ai vu en Iran. Hein. C'est pas ce que j'ai vu du tout en Iran. Voilà, ça c'était ce que je tenais à dire sur la société iranienne. Et je pense en effet, je suis d'accord avec Nogaret, d'après ce que j'ai compris, il y a des tensions avec des minorités qui... Justement, quelqu'un m'a expliqué qu'elles étaient plus ou moins, d'ailleurs, agitées par des éléments extérieurs. Que là, l'Iran était, là-dessus, était très ferme contre les agitations venues de l'extérieur. Hein. Pareil pour le trafic de drogue. Hein. Les trafics de drogue, les dealers, c'était plus de mort. Hein. Je sais, bon, moi, j'ai pas, pendant que j'étais là, il n'y a rien de tout ça, mais on m'avait dit, ici, comme ils luttent énormément contre la drogue qui est partout, le dealer est puni de mort, il est pendu. Bon, très bien. Ils ne s'en sont pas cachés, d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, la deuxième chose sur laquelle je voulais parler, justement, c'est par rapport au nucléaire iranien. Alors, ça m'amuse toujours. Déjà, il y a quelque chose, moi, qui m'amuse, c'est de voir les Israéliens se plaindre quand ils accusent un pays d'avoir un programme nucléaire secret. Ah ben là, je dis, écoutez, c'est le juste retour des choses, parce que comment Israël s'est procuré l'arme nucléaire de façon tout à fait illégale, hein, c'était sur le site de Dimona. Il y avait une espèce de petite maison qui avait l'air d'être une maison à un étage, absolument banale, peut-être un entrepôt. Et en fait, pas du tout, il y avait 8 sous-sols. C'était un complexe entièrement secret où, dans ces 8 sous-sols, que les gens de l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, chargée de contrôler, n'ont jamais découvert. En fait, les accès étaient cachés quand les inspecteurs arrivaient. Les inspecteurs les ont jamais découverts, donc ils passaient dans ce truc-là qui était déguisé comme un simple entrepôt. Ils ne se méfient pas. Et donc c'est comme ça que Israël a acquis, grâce à la France dans les années 60, hein, grâce à la France, hein, la technologie pour faire des armes nucléaires. Et je vous rappelle que ça a été finalement dénoncé et révélé en 1986 par un Israélien lui-même, un Israélien de gauche, Mordechai Vanunu, qui travaillait dans le site de Dimona, qui a pu prendre des photos et qui les a données, qui les a révélées en Angleterre, hein, qui les a données à la presse anglaise, et qui finalement après a été enlevé par le Mossad, a été traduit en justice en Israël et a été condamné à 20 ans de prison pour trahison, etc., révélation de secrets. C'était en 86, je crois qu'il est sorti en 2006, mais il n'a plus droit de sortir d'Israël, puisqu'il est interdit, il n'a plus de papier pour sortir, c'est Mordechai Vanunu. Et d'ailleurs, dans un de ses entretiens, il dit « Mes parents se sont désolidarisés de moi ». Et savez-vous pourquoi ses parents se sont désolidarisés de lui? Ce n'est pas du tout pour la trahison qu'il a faite, c'est parce qu'en prison, il est devenu chrétien. Et ça, ses parents n'ont pas supporté. C'est une anecdote très intéressante. Voilà, exact. Et c'est vrai que maintenant, quand il pose, enfin, j'ai pas vu de photo récente, mais il posait avec une croix. Voilà. Donc ça, c'était. Donc voici donc un pays qui se dote de l'arme nucléaire en parfaite illégalité, en cachette, et qui après va pleurnicher parce que des gens d'autres pays sont accusés d'avoir des programmes secrets. Bah, attendez, c'est un juste retour des choses, hein. Parce que ça, c'est quelque chose que moi j'ai jamais supporté. C'est ce qu'on appelle donc le TNP, le traité de non-prolifération du nucléaire. C'est-à-dire que les pays, normalement, ils adhèrent au TNP, ils ne peuvent pas fabriquer d'armes nucléaires. Donc voilà ce qui se passe. Et globalement, si on résume la situation, il y a des pays qui s'arment. Enfin, qui fabriquent l'arme nucléaire, puis après, une fois qu'ils l'ont fabriquée, ils disent non. Ah non, c'est tout. Non, il ne faut pas que ça se prolifère trop. Hein. Alors, ouais, vous ne pouvez pas. Vous. Ouais, le club est fermé. Voilà, c'est terminé. Voilà, le club est fermé. Donc, c'est-à-dire qu'on dit non, nous, on peut l'avoir, mais pas vous. Ah, mais pourquoi pas nous? Non, parce que vous comprenez, vous êtes des pays assez instables. Ah oui, en fait, ça veut dire qu'il y a les adultes. Donc, eux, ils peuvent avoir un fusil de chasse. Puis, il y a les autres. Il y a les pays qui sont vus comme des gosses. Alors, vous pouvez avoir un pistolet à bouchon. Voilà. C'est tout. Mais nous, non, on peut l'avoir, l'arme nucléaire, parce que nous, on est bien. Nous, on est intelligent, on est grand, on est raisonnable, mais vous, vous n'êtes pas raisonnable. Donc non, ils vont dire oui, parce qu'imaginez-vous un pays qui ne serait pas démocratique avant l'arme nucléaire. Oui, mais bon, la Chine a l'arme nucléaire. Exactement. La Russie l'a, donc c'est un argument qui ne tient pas. Ne tient pas debout du tout. Bon, mais voilà. Ils nous disent, voilà, c'est des pays qui peuvent être... qui peuvent être renversés, et puis en plus il y a de la corruption, ils peuvent peut-être les vendre à des... Donc en gros, il y a les grands, puis il y a les petits. Il y a la cour des grands, puis il y a la cour des petits. Je suis désolé qu'un pays comme l'Iran a le droit de dire, écoutez, nous, on en a marre. Bon, alors maintenant, quant aux preuves, Quant aux preuves qu'on nous balance comme quoi l'Iran a un programme, patati patata, ça me rappelle les preuves pour Saddam Hussein, hein. Rappelez-vous, à l'ONU, on nous montre une fiole de produits en disant « ça y est, c'est un produit chimique ultra dangereux ». Si ça avait été un produit chimique ultra dangereux, tu ne l'aurais pas eu à la main en train de l'agiter, mon pote. Ça, je peux te dire tout de suite. Moi, je n'avais pas cru dès la seconde où j'avais vu l'affaire. Donc, les preuves qui nous avancent, personnellement, moi, ne me convainquent pas. Ne me convainquent pas parce que ce qu'ils montrent n'est absolument pas probant. Et j'en parle d'autant plus à l'aise que moi, je suis diplômé de l'Institut supérieur de la matière et du rayonnement atomique. Donc, je m'y connais un peu. Je sais que pour faire du combustible nucléaire civil, il faut donc de l'uranium faiblement enrichi, c'est-à-dire de l'uranium enrichi qui contient 3-4% d'uranium-235, alors que l'uranium naturel n'en contient qu'environ 0,7%, enfin très faiblement. Donc il faut l'enrichir, c'est pas évident. Mais une fois qu'on a cet uranium donc civil à 3-4%, si on veut faire une bombe nucléaire, faut l'enrichir à 90-95%. De 3-4% à 90-95%, on n'y est pas encore. Et là, c'est difficile. Alors, les techniques aujourd'hui sont connues, que ce soit la diffusion, la centrifugation, la spectrophotométrie, tout ça, c'est connu. Pouvoir le faire, le mettre en œuvre, autant théoriquement ça se fait, mais autant dans la pratique, c'est hyper compliqué. Donc, quand on nous agite tout sûr en disant « Ah, les autres vont avoir l'arme nucléaire », ouais, sans preuve palpable, moi personnellement, je n'y crois pas. Hein, je n'y crois pas, à moins qu'ils puissent se procurer des appareillages par d'autres pays, mais ça, ça se transporte pas comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas comme un radiocassette. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que. Mais surtout, voilà, quand Israël crie que des gens s'arment illégalement, c'est vraiment de la chutzpah. Alors là, c'est vraiment la chutzpah en plein. On est vraiment dans la chutzpah, c'est ça. Les Juifs, là, franchement, comme d'habitude, nous montrent toute leur mauvaise foi et tout leur aplomb. Voilà ce que j'avais à dire à propos de l'Iran. Non, mais c'était intéressant parce que les... c'est une façon d'utiliser le sociétal pour cacher les objectifs géopolitiques. Et ça marche très bien. Donc, on met une... on utilise quelque chose d'assez explosif, dont on sait, dont on peut attendre les effets dans une société, et ça va complètement aveugler l'opinion publique visée, qui ne va plus raisonner, qui sera complètement possédée par ses passions. Donc, en France, la question du voile est réelle, je veux dire. Il y a une invasion migratoire, il y a une islamisation qui est visible et qu'on quantifie par le nombre de femmes voilées qu'on voit autour de nous. Les Juifs n'en perdent rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de lien automatique entre le fait de ne pas vouloir être submergé par l'islam en Europe et en France, le fait de ne pas vouloir voir de femmes voilées chez nous, et automatiquement sympathiser avec une opération de déstabilisation israélienne et juive contre l'Iran, qui appartient à un projet beaucoup plus large de mise en coupe réglée de l'Eurasie, qui n'a rien à voir avec la question de l'islam ou pas de l'islam. D'ailleurs, les mêmes agitateurs juifs ou commentateurs juifs nous disent qu'il ne faut pas être raciste, il ne faut pas être anti-immigration, qu'il y a des musulmans qui se comportent très bien, que l'islam est parfaitement compatible avec la République, etc. etc. C'est ce qu'ils nous disent. Tous les intellectuels juifs nous disent ça. Il n'y a jamais, même pas Finkielkraut. Finkielkraut n'a jamais dit l'islam est incompatible avec la République. Il dit, voilà, l'islam orthodoxe, trop revendicatif, est incompatible, mais il y a des musulmans qui peuvent parfaitement s'intégrer avec nos valeurs, et blablabla. Les plus radicaux vont dire qu'il faut un aggiornamento de l'islam. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Il faut un enjuivement de l'islam. Il faut que l'islam soit très très juif, et ça marchera bien. Voilà, c'est comme toujours. D'ailleurs, vous avez remarqué que le Premier ministre israélien a dit que le monde allait réagir contre l'Iran. Alors, c'est extraordinaire, parce que... Enfin, le Q culot des Juifs, quoi. Le culot des Juifs, d'oser parler au nom de la planète entière. Enfin, je veux dire, Israël, vous regardez la carte, c'est un timbre-poste. Enfin, les mecs vous disent, voilà, l'humanité. Non, non, mais attendez. Au bout d'un moment, le melon, là, il faut, faut se le dégonfler d'une façon ou d'une autre. Hein. Et si c'est pas vous qui allez le faire, d'autres vont le faire pour vous. Hein. C'est clair. Hein. Je veux dire, voilà, c'est, au bout d'un moment, il faut s'arrêter un petit peu. Hein, le... Et si le tank s'arrête pas lui-même, quelqu'un va l'arrêter. Moi, je vous le dis. Voilà. Parce que c'est drôle avec les Juifs, c'est que plus le temps passe, plus ils ont de l'appétit, moins leur potentiel correspond à l'appétit qui est leur. C'est assez étonnant, et on va justement y venir. Alors messieurs, je vous propose d'aller en Italie pour en, avant de nous séparer. Vous allez voir, c'est raccord. Hein. Puisqu'il y a des élections, alors on fait grand cas de la levée populiste, ça y est, c'est bon, c'est la libération, l'Italie est sur le point, enfin, enfin, de s'émanciper de tous ces mots. Alors les mots, quels sont-ils? L'immigration, premièrement. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est le principal qui nous vient à l'esprit, c'est-à-dire comment sortir de cette démocratie multiculturelle, multiraciale, euthanasiante, dirais-je, cosmopolite, qui nous mène vers le tombeau. Et alors les gens se sont enthousiasmés pour Giorgia Meloni, en disant que ça y est, c'était enfin la solution à tous les problèmes de l'Italie. On peut revenir sur les problèmes de l'Italie d'ailleurs. Mais voilà, Joker, c'est bon, on a la solution. Et alors, évidemment, beaucoup de gens veulent s'enthousiasmer, veulent croire, hein, forcément, et disent que, je veux dire, dans les mouvements de droite nationaliste hein, ou populiste, disent « Voilà, c'est bon, ça y est, l'Italie, ça va dans la bonne direction ». Alors, moi, je veux quand même calmer un peu les ardeurs de certains. Elle a accordé une interview à un média israélien, évidemment pas par hasard, il y a une dizaine de jours, qui s'appelle Ayom Israël, et dans lequel, en fait, elle explique un petit peu ses conceptions. Hein. Et vous allez voir que, niveau opposition au système, c'est un peu compliqué. Donc c'est Israël Ayom exactement le nom du média. Alors, je vais lire l'interview, enfin les passages les plus intéressants de l'interview. Je vous demanderai d'être un peu patient, mais vous allez voir que c'est très éclairant. Vous n'allez pas perdre de temps. Vous allez certainement voir cette politicienne italienne comme jamais vous ne la verrez autrement dans les médias français, puisque les médias français ne vont évidemment pas vous dire ça. Ils ne vont évidemment pas vous communiquer ses pensées sur ces questions-là. Alors, comment définiriez-vous votre parti, les Frères d'Italie? Question posée donc par ce journal juif. Les Frères d'Italie sont le parti des conservateurs italiens. Nous soutenons la liberté individuelle, l'importance de la famille, la préservation des identités culturelles occidentales, européennes et italiennes, ainsi que l'autonomie, l'initiative économique privée et la cohésion sociale. Nous sommes un gouvernement de droite moderne et occidentale, un pilier du parti des conservateurs et réformistes européens, dont sont membres les premiers ministres de Pologne et de la République tchèque, et que j'ai l'honneur de présider. Nous avons également des liens étroits avec le Likoud, les conservateurs britanniques et les républicains italiens, américains. Les républicains américains. Alors là, il y a le Likoud qui tombe au milieu de la table. Vous voyez. Bon. Question suivante. Certains membres de votre parti sont issus de la famille de Benito Mussolini. Famille politique. Le parti a des liens avec l'Alliance nationale, issue du mouvement social italien, donc le MSI. Que répondez-vous à tous ceux qui accusent votre parti de néofascisme? Ce sont des accusations ridicules, venant d'une gauche désespérée sans argument. Mais je ne veux pas esquiver la question car je sais combien elle peut être délicate pour vos lecteurs. Alors, vos lecteurs d'un journal juif, vous comprenez bien de quoi il s'agit. Hein. Frères d'Italie fait partie du parcours évolutif de la droite démocratique italienne et depuis sa fondation, il a rassemblé des personnalités d'autres partis, de centre-droit, du monde catholique et libéral. Ceux qui, comme moi, suivent cette voie ont remisé le fascisme dans les annales de l'histoire depuis des décennies, condamnant fermement la perte de la démocratie, les lois anti-juives scandaleuses et la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Nombre d'entre nous ont déjà occupé des fonctions gouvernementales. J'ai moi-même été la plus jeune ministre de l'histoire républicaine. Nous avons tous prêté le serment constitutionnel. Tout le monde sait que nous n'avons jamais été une menace pour la démocratie. Je confirme d'ailleurs. Et nous n'en devenons évidemment pas une maintenant, bien que nous soyons certainement dangereux pour le système de pouvoir de la gauche italienne, qui a été au gouvernement pendant des années sans gagner les élections. La différence entre eux et nous, c'est que je ne passe pas mes journées à me souvenir qu'il y a eu un peu plus de 30 ans, de nombreux gauchistes étaient membres du parti pro-soviétique le plus puissant de l'Occident. Il me suffit d'énumérer tous les dégâts causés par les gouvernements de gauche aujourd'hui, sans avoir à fouiller dans le passé. Question suivante. Avez-vous déjà visité Israël ? Envisagez-vous de le faire prochainement ? Oui, certainement. J'ai effectué une visite officielle en Israël lorsque j'étais ministre sous le dernier gouvernement Berlusconi. C'était une mission très importante, avec la visite émouvante de Yad Vashem, une expérience qui a secoué ma conscience. Je retournerai certainement en Israël, bientôt j'espère. C'était quelque chose que j'envisageais en raison de mon rôle de président du Parti conservateur européen, dont les amis du Likoud sont également membres. Mais la guerre en Ukraine, la crise politique en Israël, puis les élections anticipées en Italie également ont changé l'agenda. J'espère y retourner dès que possible, cette fois en tant que chef de gouvernement, pour discuter avec le nouveau gouvernement israélien de collaboration et de stratégie commune, à commencer par celle concernant l'approvisionnement en gaz naturel par la Méditerranée orientale. Question suivante. Quelle est pour vous l'importance d'un État juif ? Réponse. Israël représente la seule démocratie à part entière dans le Moyen-Orient élargi, et nous défendons sans aucune réserve son droit à exister et à vivre en sécurité. Je pense que l'existence de l'État d'Israël est vitale, et Frères d'Italie fera tout son possible pour investir dans une plus grande coopération entre nos pays. Après tout, c'est l'attitude amicale que le centre droit italien a toujours eue envers Israël lorsqu'il était au gouvernement. En revanche, la gauche ne peut pas en dire autant, ni traditionnellement, ni dans cette campagne électorale, qui a mis en lumière des incidents répétés de candidats de gauche, surpris en train d'écrire des messages à saveur antisémite sur les réseaux sociaux, sous-entendu anti-israéliens. Question ? Voyez-vous un lien entre ceux qui appellent à détruire Israël militairement ou par des boycotts comme une continuation de l'antisémitisme traditionnel ? Oui, et je pense aussi que l'une des manifestations les plus courantes de l'antisémitisme aujourd'hui est la propagande anti-israélienne, que les Juifs d'Europe sont le plus susceptibles de rencontrer en ligne. Les Juifs d'Europe sont également soumis à la menace provenant non seulement de factions d'extrême gauche et d'extrême droite, mais surtout des immigrants musulmans radicalisés qui se nourrissent du ressentiment à l'égard d'Israël. Je me souviens de la mort récente du jeune Jeremy Cohen qui tentait de fuir une attaque antisémite dans la banlieue de Paris lorsqu'il a été tué par un tramway. Bon, en fait, vous connaissez la situation, je ne reviens pas là-dessus. Parce que cette tragédie aurait attiré l'attention sur l'échec des politiques d'intégration, peu de médias européens ont choisi d'en parler. Par conséquent, en tant que conservateur européen, et en tant que frère d'Italie, donc son parti, nous soutenons fermement la nouvelle stratégie de l'Union européenne contre l'antisémitisme. Israël est et doit continuer à être un allié crucial de l'Union européenne dans l'effort d'éradication de ce mal, donc l'antisémitisme, dans le monde. Nous soutenons les efforts visant à accroître la compréhension des jeunes étudiants de l'histoire, de la religion et de la culture juive. Cela contribuera à l'élimination des préjugés sociétaux et à la peine et à la pleine acceptation des coutumes juives en Europe. Alors on approche de la fin, mais quand même ça vaut le coup. Un gouvernement dirigé par vous reconnaîtra-t-il Jérusalem comme capitale d'Israël et transférera-t-il l'ambassade d'Italie de Tel Aviv à Jérusalem ? demande d'allégeance en bonne et due forme, hein, c'est clair. C'est une question très sensible, sur laquelle je pense que le prochain gouvernement italien, comme tous ceux qui vont précéder, devra agir en synergie avec nos partenaires de l'Union européenne. L'Italie entretient des relations économiques étroites avec l'Iran. Comment, à votre avis, l'Occident doit-il empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire militaire et comment l'Italie peut-elle y contribuer ? Réponse. Les sanctions ont eu un lourd impact sur de nombreuses entreprises italiennes qui avaient tissé des liens économiques solides avec l'Iran. Néanmoins, l'heure n'est certainement pas à la remise en question, à moins que certaines conditions ne soient remplies. En effet, nous sommes extrêmement préoccupés par le rôle de l'Iran dans la région, son rapprochement en cours avec la Russie et la Chine, son soutien continu au Hezbollah, qui continue de menacer la sécurité d'Israël, ainsi que par le rapport de l'AIEA indiquant que les contrôles efficaces sur le développement des missiles iraniens sont insuffisants. Sans garantie supplémentaire pour Israël, qui est raisonnablement inquiet quant au calendrier d'enrichissement de l'uranium nécessaire à la création de l'arme atomique, nous pensons qu'il sera difficile de relancer l'accord de 2015. Nous avons fermement soutenu les accords d'Abraham, ça porte bien son nom, comme un moyen de maintenir la stabilité régionale et de freiner la politique étrangère agressive de l'Iran. Nous pensons donc qu'ils doivent être davantage mis en œuvre. Dernière question. Comment peut-on arrêter la guerre en Ukraine et craignez-vous une guerre plus importante en Europe ? La guerre en Ukraine est non seulement une violation flagrante du droit international, une agression contre l'intégrité territoriale d'une nation souveraine et une manifestation de l'expansionnisme russe, mais aussi une tentative de subversion de l'ordre mondial actuel au détriment de l'Occident et au profit de la Chine communiste. Un scénario que l'Europe doit fermement rejeter. Une éventuelle extension de la guerre et à d'autres nations d'Europe de l'Est est une éventualité dénoncée par nos amis polonais que nous ne devons malheureusement pas sous-estimer. Pour cette raison, nous ne devons pas cesser de soutenir l'Ukraine. Je le dis avec fermeté, mais avec tout autant de regret, même en connaissant les liens particuliers qui unissent historiquement Israël et la Russie, par rapport à l'immigration qui vient de Russie en Israël en fait. En 2002, l'Italie elle-même a accueilli un sommet de l'OTAN en Russie pour construire un Occident élargi et faire face ensemble à la menace du terrorisme islamique. 20 ans ont passé, cette perspective est au point mort et Poutine a malheureusement franchi une ligne rouge. Alors messieurs, longue interview, j'en ai conscience, mais ô combien éclairante. Qui ne sera pas diffusée ailleurs, qui devait être commentée, bien entendu, car elle nous donne à voir la véritable pensée de cette femme. Et le plus remarquable aussi, là, je crois que si elle avait accordé une interview à la presse française, au journal Le Monde, par exemple, ou à la presse allemande, ou à la presse britannique, nous n'en aurions pas appris le quart de ce que nous apprenons ici dans cette interview à un journal de seconde zone israélien. C'est ça qui est fascinant, quoi. Je veux dire, c'est que l'autorité, là, elle se manifeste. On voit où est le pouvoir, hein. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, une espèce de journal dont on n'a jamais entendu parler en Israël arrive et demande une interview à la probable premier ministre italien et on apprend tout. Ça aurait été le journal Le Monde, bah, toutes les questions intéressantes auraient été caviardées, on en serait resté à des généralités, je ne sais pas, sur le modèle social ou des conneries du genre. Voilà. Donc là, on est dans le dur et on apprend tout. On sait tout, on a tout compris. Voilà. On sait ce qui va se passer avec cette Italie-là. Et je vous donne maintenant la parole. Qui se sent de commenter ça ? Qui veut prendre la parole là-dessus ? Je veux bien essayer de dire quelque chose. Moi, je n'avais pas eu connaissance de cet article. Mais auparavant, ce que je connaissais d'elle, c'est que j'avais vu un discours endiablé, oui, nous ne sommes pas des codes-barres, oui, nous ne nous laisserons pas faire. Donc, je m'étais dit, génial, une femme blanche qui est pour la natalité des Italiens, super. Et là, on se rend compte qu'en fait, finalement, bon, elle est antifa, elle est pro-Union européenne, elle est pour la démocratie, et elle est pour plus ou moins démembrer la Russie. C'est décevant, quoi. Mais je dirais, ça témoigne des politiciens dans toute l'Europe. Pour passer un certain cap, faut faire allégeance. on a les mêmes en France, voilà, qui sont à la droite et qui sont pro-Ukraine, enfin pro, qui, on va dire qui ont à peu près le même discours que BHL sur le conflit en Ukraine. Et... Comme Bardella hein, cette semaine, hein, qui s'est lamentable. Voilà, oui, par exemple Bardella, on se rend compte, il a un super discours sur la sécurité, l'anti-islamisation, mais bah au final, il est aligné sur d'autres sujets. Et donc on se rend compte que pour accéder à des postes importants en Europe, faut faire allégeance partout. Voilà. Oui, j'allais dire pour continuer ce que dit enfin ce que disait Hydromel, moi quand j'entends le mot droite, je sors mon pistolet comme dirait la phrase. C'est-à-dire que on nous présente comme les Suédois dont on a parlé tout à l'heure, ces gens comme étant de droite, elle le dit, elle se rapproche des conservateurs britanniques, auxquels vous avez réservé une bonne partie de l'émission de la semaine, d'il y a deux semaines, pardon, où ces mêmes conservateurs, se félicitaient de ne pas avoir de blanc dans les principaux ministères. Donc, en fait, on nous présente de droite ces gens, alors que comme s'ils allaient apporter une solution à notre problème, alors que droite ça ne veut rien dire, tout à fait comme gauche, tu l'as très bien dit en début d'émission, le Danemark a réglé la question migratoire, au Danemark, si je me trompe pas, c'est la gauche qui dirige. Donc il faut arrêter en fait de tomber, je pense, dans cette dichotomie de dire « ah, elle est de droite » ou « il est de droite ». C'est bon, on va avoir quelqu'un de notre bord, à la droite revient, la droite, etc. En fait, on se rend compte que en France comme ailleurs, la droite est à la remorque de la gauche comme d'habitude. C'est-à-dire que Zemmour est un assimilationniste en refusant le discours racial, justement. Donc il condamne les woke, il se met à faire une politique qui était à gauche avant. Giorgia Meloni, moi je l'avais entendu parler, j'avoue que j'avais été intéressé aussi, tout comme Hydromel, mais ce qui m'avait un peu refroidi une fois, c'était elle avait fait tout un discours sur la France et la colonisation de la France en Afrique. Honnêtement, on aurait dit que c'était un discours d'extrême gauche, comme quoi la France avait profité, comme quoi il fallait non pas rester dans ces pays, mais les aider à se développer, etc., leur donner de l'argent, toujours plus, encore plus. Et je m'étais dit, mais à ce niveau-là, c'est de l'incompréhension totale, en fait. À ce niveau-là, c'est voir... Soit c'est de la bêtise, soit c'est vraiment une volonté de nuire. Donc oui, voilà. Pour le coup, je pense que elle s'inscrivait. Ce discours était récent. Il date de quand ce discours à peu près? Il y a quelques mois, si je me trompe pas. Honnêtement, j'ai plus la date exacte, mais il y a quelques mois. Je pense, si tu veux, qu'ils étaient déjà en tractation avec les Algériens pour du gaz. Donc ils étaient déjà en train de brosser le. Ouais, ils chantaient la chanson que les Algériens avaient envie d'entendre. Mais bon. Ce qui, au plan purement politique, n'a rien de particulièrement, enfin, choquant, entre guillemets, parce que, je veux dire, il ne faut pas être naïf. Mais en fait, il disait aux Algériens ce qu'ils avaient envie d'entendre, c'est-à-dire que se positionnant comme futur, de toute façon, membre d'un gouvernement italien, sur les questions stratégiques d'énergie, l'idée, c'est de prendre le gaz... réservé, enfin devant être réservé à la France au profit d'Italie, voilà, donc là il n'y a pas de copain, donc comme la France est gênée aux entournures parce qu'il y a une question de prestige national, même Macron est emmerdé par rapport à ça d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est un rapport de force politique, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'en fait partant calme dire, oh on a colonisé les Algériens, on les a écrasés, c'est lamentable, on était vraiment une puissance coloniale, etc. Bah, les puissances concurrentes même à l'intérieur du système européen, si vous voulez, comme l'Italie, ils disent, bah voilà, il y a un angle mort, là. Il y a moyen d'exploiter. C'est-à-dire que nous, on a pas le passif colonial vis-à-vis de l'Algérie. Les Français, compte tenu de leur immigration algérienne, ils ne peuvent pas se permettre de parler franchement sur ce sujet. Donc nous, on va dire que les Algériens ont beaucoup souffert, ça nous coûte rien, on n'a pas trop de Nord-Africains. On va aller voir les Algériens, sont super contents, ils vont dire, excellent, on va pouvoir vendre notre gaz au même prix, mais en plus, ça va foutre la merde parce que les Italiens vont répéter ce qu'on a envie qu'ils vont répéter nos propres slogans contre les Français. Donc les Français n'ont pas de gaz et en plus, ils vont s'entendre braire dans les oreilles les mêmes slogans qu'on a envie de leur braire. Bah, pourquoi s'en priver? Vous voyez? Ça, c'est de la politique. Voilà, bon, je dis ça en passant, mais je te redonne la parole, Nogaret, mais je veux dire, le fait que Mélanie l'ait fait correspond à des discussions, à mon avis, assez intenses qui ont lieu, parce que c'est comme ça que ça marche, hein. Faut savoir que quand vous êtes des partis de gouvernement importants dont on sait que vous allez accéder à des responsabilités d'une façon ou d'une autre, des émissaires sont envoyés hein, de différents pays, les gens viennent un petit peu... prendre un peu la température, soit carrément même négocier les futurs accords, parce que ça se fait bien en amont, en fait. Hein. Donc, ils viennent vous voir, et ensuite, si vous voulez, les dirigeants politiques sont chargés d'envoyer les signaux qui correspondent aux tractations en cours. Donc, pour que les Algériens aient le sentiment que ce qui a été décidé, et sur ce sur quoi on s'est mis d'accord, va bien avoir lieu, eh bien, il faut une prise de parole publique. Et c'est ce que fait Mélanie. Donc voilà, donc je peux vous dire avec un haut degré de certitude, même si je ne suis pas familier du discours, mais ça fonctionne toujours de la même façon que Mélanie ou ses conseillers. Enfin, je veux dire, ont reçu la visite d'Algériens et qu'ils ont dit, les gars, là, on a envie de régler quelques comptes avec les Français. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Les Algériens ont dit, évidemment. Et voilà. Je te redonne la parole, autant pour moi. Oui. Oui, je t'en prie. Non, mais d'autant que tu as tout à fait raison sur cet aspect, c'est-à-dire que c'est pareil, pour eux, c'était un petit moyen de se venger de ce qu'on avait fait en Libye, c'est-à-dire que l'Italie avait des tarifs aussi préférentiels avec la Libye sur le gaz, et quand Sarkozy a fait sa petite intervention en Libye, ça a permis de casser tout ça et de s'implanter avec les Anglais à la place des Italiens. Enfin bref, je ferme la parenthèse sur le sujet, mais ce que je voulais dire, simplement pour conclure, c'est effectivement, on nous parle du coup d'un nouveau groupe de droite, mais j'ai l'impression que c'est un mouvement perpétuel dans les pays, notamment en Italie, on l'avait vu avec Salvini, c'est-à-dire c'est un groupe qui commence très à droite, peut-être, et qui, au fur et à mesure du temps, a des positions de plus en plus, polissées, voire qui plaisent du coup plus à leurs électeurs de base. Alors je ne jette pas la pierre dès le début, j'espère qu'ils me feront mentir et que ça se passera très bien et qu'ils feront un front commun contre l'Union européenne de von der Leyen, avec la Hongrie et la Pologne par exemple, et que bah au final on pourra tarir quelques éloges sur eux. Mais bon, pour l'instant, moi je préfère rester dans la méfiance. T'as raison, on voit la dynamique qui se crée, c'est-à-dire elle a pas cité la Hongrie. C'est intéressant ça. Elle n'a pas cité la Hongrie. La Hongrie a été mise au banc hein, de l'Union européenne, faut le comprendre. Orban a fait les choix stratégiques définitifs en se rapprochant des Russes. Moi, je pense qu'Orban est le plus grand homme politique d'Europe actuel, qui n'est pas relative à la taille de son pays, à l'influence de son pays, mais je veux dire en termes de qualité politique, de vision. C'est clairement le meilleur homme politique d'Europe aujourd'hui. Ce qui doit nous interroger, parce que normalement, les plus grands hommes politiques devraient sortir des plus grandes nations. Or, la Hongrie, sans faire injure, bien évidemment, à ce pays, par sa taille et son poids relatif, n'est pas une nation motrice de l'Europe. Hein. C'est une nation qui mérite bien évidemment tout le respect qui lui est dû. Mais je veux dire, évidemment, cette nation ne joue pas dans la même ligue que l'Allemagne, par exemple, je veux dire, en termes de poids, d'influence. Et pourtant, c'est Viktor Orban aujourd'hui qui est vraiment l'homme politique de qualité en Europe, quoi. Et il a réagi très froidement vis-à-vis des Russes et il a fait le choix qu'il devait faire pour assurer, sécuriser ses approvisionnements en pétrole et en gaz. C'est fait, c'est acté. Maintenant, c'est la bête noire. Il était déjà mal vu, mais maintenant, c'est la bête noire du système. Donc, ils ont déjà bloqué les fonds, à la Pologne aussi, mais ils veulent aller beaucoup plus loin. Et Bruxelles voulait aller beaucoup plus loin contre lui, les Polonais ne veulent pas. Alors, les Polonais ne sont pas autant condamnés qu'Orban parce que les Polonais sont anti-russes. Vous comprenez? C'est la seule chose. C'est-à-dire que dans le grand jeu actuel, anti-russe, comme les Polonais servent d'idiots utiles, on tolère encore un peu. C'est-à-dire qu'on tolère le fait qu'ils ne soient pas encore à fond sur l'avortement, à fond pour les PD, qu'ils n'aient pas accepté de filer la moitié de leur PIB aux Juifs parce que c'est eux qui ont gazé les Juifs. on leur passe ça, c'est temporaire, parce que la Russie est le plus gros poisson en ce moment. Mélanie, quand elle dit tout le bien qu'elle pense de la Pologne, elle le cite à deux elle cite la Pologne deux reprises, c'est pas par hasard. Mais elle veut pas aller jusqu'à la Hongrie. Elle parle de la Tchéquie, une espèce de... Excusez-moi, mais la Tchéquie, enfin, ça n'existe pas sur la carte européenne, quoi. Je veux dire, autant la Hongrie d'Orban existe sur la carte de l'Europe, autant la Tchéquie, ça n'existe pas. Je veux dire, c'est une non-entité. Donc, elle se fout de la gueule du monde. C'est-à-dire qu'elle dit, voilà, oui, je suis populiste, hein, vous avez vu, je suis avec mes amis polonais. Donc, ils veulent créer une espèce d'axe dans le système au niveau de l'Europe, face à von der Leyen d'ailleurs, mais en réalité, ça ne va pas résister 3 secondes à un véritable coup de pression du système. Mais vraiment, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Pourquoi ? Bah, regardez la dette italienne. Regardez l'état de la dette italienne. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont plus leur destin en main depuis très très longtemps. D'accord ? Donc, vous n'avez pas de solution démocratique en Italie. La seule solution pour l'Italie, c'est une solution fasciste. C'est une solution autoritaire, c'est une solution et populaire, césarienne, vous voyez ? C'est ça la solution de l'Italie, elle est sous notre nez. Je ne sais pas si les Italiens la voient, probablement pas. Ce n'est pas l'histoire de combine, d'alliance, de trucs. Ça a été tenté 40 fois en Italie, ça. Avec Salvini avant, etc. On le connaît, ça. On connaît ce système-là. Vous savez pourquoi ça ne peut pas fonctionner ? C'est une coalition. C'est une coalition. Les Français ne comprennent pas ça, ils ont un système présidentiel. C'est une coalition parlementaire. Il faut que les partis se mettent d'accord au niveau du Parlement pour qu'une politique et un Premier ministre soient au pouvoir. Qui y a dans le dispositif ? Berlusconi. Mélanie, c'est qui ? Une ancienne ministre de Berlusconi. Le seul trublion sur le papier était censé être Salvini. Il s'est rallié lamentablement les dernières années. Il n'y a personne là-dedans qui incarne un espoir révolutionnaire. Personne, absolument personne. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Faire venir un peu de moins de Metex ? C'est même pas garanti. Pourquoi ? La Lega Nord. Donc la Lega Nord, pas la Lega de Salvini aujourd'hui, mais la Lega Nord, dans les années 2000, se voulait anti-immigration, etc. C'était Maroni à l'époque, le boss. Il devient ministre de l'Intérieur. Tout le monde s'attend à une politique dure sur l'immigration. La presse de gauche, Libération, Le Monde, vous annonce déjà le retour de Mussolini. Qu'est-ce qu'il fait Maroni ? Il naturalise des centaines de milliers de métèques. Et il explique... Ah ben oui, mais vous comprenez, il faut bien que quand même les familles italiennes aient des gens pour garder leurs enfants. Il a expliqué ça comme ça. Le ministre de l'Intérieur, issu de la Ligue du Nord italienne, sur l'immigration, quand il a régularisé des centaines de milliers d'immigrés. Parce que ce type-là, comme ce parti-là, est à la botte de l'oligarchie italienne, du grand patronat italien. Point barre. Vous comprenez ? On ne peut pas sortir de ça sans une révolution. C'est vrai en Italie, c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai partout. On est tenu par la haute finance juive internationale, l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, enfin, c'est pas les rednecks évidemment, mais le pouvoir profond américain, et toutes les cliques qui en vivent, vous voyez ? Donc, nourrir, si vous voulez, quand je vois les gens, malheureusement, dans nos milieux, qui regardent avec espoir et des étoiles dans les yeux cette traînée de Mélanie, mais, imaginez, elle est rentrée en politique sous Berlusconi, qu'est-ce qu'il faut aux gens, quoi. Imaginez à un moment que tout d'un coup, elle va avoir une illumination, que c'est Marie-Madeleine, de pute, elle va devenir une sainte, tu te tapes la tête contre les murs, tu te tapes la tête contre les murs. Donc, soit on trouve un nouveau César quelque part dans une banlieue de Rome, soit l'Italie, ça finira, vous avez carré la moyenne d'âge qu'ils ont, vous avez carré la dette qu'ils ont, ils vont finir complètement bamboulisés. Voilà, c'est tout. Tout le monde oublie le facteur générationnel dans cette affaire. C'est les vieux, les boomers qui fixent la ligne au plan électoral. C'est eux qui disent, bon, les boomers, vous savez quand ils sont nés ? Après la guerre. Sur quel mode ils ont été éduqués ? L'antifascisme. D'après vous, ils vont voter pour des partis fascistes ? Non. Alors que le seul espoir aujourd'hui, c'est le fascisme. En Europe. Alors, faut arrêter, quoi. Le seul espoir, c'est un système autoritaire. C'est pour ça qu'ils ont tous la trouille devant Poutine. La Russie, c'est le dernier pays d'Europe qui a encore un système autoritaire qui peut résister au péril juif. Vous avez vu ce qu'il raconte sur la Russie? Il faut aller financer la guerre des Juifs, le youtre Zelensky, il faut en remettre encore, il faut... Mais attendez, l'Iran, tiens, allons-y, il faut lécher le cul d'Israël, vous vous rendez compte un peu ça? C'est des modèles politiques, ça, pour nous, nationalistes? Allons, vous voyez? Enfin bon. Vincent, j'ai déjà trop parlé. Vincent, surpris, tu ne le seras pas. Ça, je veux le croire. Mais qu'est-ce que tu retires de ce genre d'exercice révélateur de la part de la future théorique Premier ministre italien? À vrai dire, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur vos analyses. C'est-à-dire qu'en effet, ces gens qui se lancent aussi dans la politique politicienne voient tout de suite quels sont les facteurs de pouvoir. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une politique de droite. Alors attention, pour moi, la droite, encore une fois, ce sont des gens qui croient en l'existence d'une nature humaine et d'un ordre naturel qui transcende l'homme. Alors que la gauche, c'est ceux qui disent que l'homme est une pure création et qu'il fait ce qu'il veut de lui et de son destin. On ne peut pas aujourd'hui mener une politique de droite authentique, c'est-à-dire une politique avec un gouvernement autoritaire, un gouvernement totalitaire, c'est-à-dire qui implique la totalité de la société et des personnes. C'est impossible. Donc il est fatal qu'à un moment ou à un autre, ces gens qui font de la politique politicienne, c'est-à-dire qui veulent arriver au pouvoir, face à l'égence, comme a dit Rommel, à toutes ces forces de pouvoir. On ne peut pas agir autrement. Et moi, ce que ça me surprend absolument pas. Et encore une fois, là, il n'y a pas de complot. Regardez ce qu'a dit la présidente de la Commission européenne. Elle a dit, si en Italie les choses vont mal, si les gens votent mal, on a des outils, dit-elle en faisant référence à la Pologne et à la Hongrie. Voilà donc des gens qui ne cessent d'hurler, qui défendent la démocratie, mais en fait ils défendent leur vision de la démocratie qui signifie que la démocratie, c'est le peuple qui décide de tout. Donc la démocratie ne peut supporter un pouvoir jugé totalitaire, qui ne peut pas d'ailleurs, et à partir du moment où les urnes désigneraient un pouvoir totalitaire, c'est plus la démocratie. Donc on fait agir des outils de protection de la démocratie. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, nos démocrates, il y a quelque chose qui est supérieur à la démocratie, c'est l'idée de gauche, en fait. L'idée de gauche est une idée universelle qui doit régner sur le monde, c'est l'idée des droits de l'homme. Donc, et c'est cette idée de gauche qui assure la démocratie. Donc la démocratie n'arrive qu'en deuxième. En premier, c'est l'idée de gauche. Donc si jamais la démocratie sort des rails de l'idée de gauche, on agite des outils, il y a des garde-fous. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que vous avez dit, c'est ce que tu as dit, Gandalf, il n'y a qu'un seul espoir, c'est une révolution fasciste. Bon, je dirais national-socialiste, enfin peu importe. C'est une révolution populaire. Mais seulement, encore une fois, tant que les supermarchés seront achalandés, les pompes à essence pleines et les portables en fonctionnement, ce ne sera pas possible. Les gens auront suffisamment pour l'instant. Donc ce qui se passe encore ici, une fois de plus, en Italie, voilà, c'est ce qui s'est toujours passé partout. C'est que des gens débutent fort, et à partir du moment où le pouvoir arrive, qu'ils se sentent une possibilité d'arriver au pouvoir, soudainement, ça y est, ça déraille. Ça déraille complètement et c'est fini. Et, j'en termine là, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, arrêtez au maximum de toujours mettre vos espoirs notamment dans ce qui se passe à l'étranger. Si nous avons à nous sauver, ce sera par nous-mêmes. Alors bien sûr, je veux bien que certains et certaines voient dans Poutine quelqu'un d'extrêmement fin. sympathique, dans Orban, quelqu'un d'extrêmement sympathique, voire un héros. Oui, je suis d'accord. Ou pas, mais enfin, peu importe. Je comprends qu'on puisse voir dans un dirigeant étranger un modèle, mais il faut pas se contenter que de ça, en fait. Il faut aller beaucoup plus loin et agir. Et agir ici, c'est parce qu'on ne se sauvera que par nous-mêmes. Dire « Ah, ça y est, ça arrive en Italie, ah, ça y est, ça arrive en Suède », donc d'abord, ça n'arrive pas, je pense pas, mais en plus, quand bien même, oui, mais il faut que ça arrive chez nous et il faut se mettre au boulot. Nous-mêmes, on se sauvera par nous-mêmes, par notre force, et en retrouvant nos qualités ancestrales. C'est mon message quand je vois tout ça. Voilà. D'accord, bah sur ce, je vous propose de nous séparer et d'attendre les résultats des élections, oui, en Italie, juste pour infirmer ou confirmer, voir la situation, comment elle va évoluer en Ukraine, bien évidemment la situation politique même en France, économique d'une manière générale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer et eh bien, on se retrouvera d'ici là pour commenter tout cela. Chers amis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.